que sa langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Très triste que ce soit vendredi, comme vous pouvez l'entendre. Vraiment, on est très. Eh, ça y est, la semaine est déjà torchée, c'est bien. Première semaine de cours. Ouais, ça va vite, ça va vite. Ça passe trop vite, ouais. Mais ça va passer vite, je sais qu'il y en a plein qui m'écoutent, ils disent la semaine a été longue et tout, mais non, ça va, ça passe vite. Bientôt Noël. C'est vrai, n'empêche, bientôt les vacances. Non, mais bientôt les vacances, c'est deux semaines en plus. Ouais. Et puis rigoler. C'est quand les vacances exactement? Fin 17 octobre, 18 octobre, 19 octobre, ouais. Ah, c'est demain, ça va bien se passer. Et c'est du mercredi. Jamais. Maître Gims avec nous bientôt. Je suis super content parce qu'il y a une chanson que je kiffe et il sera notre invité dans quelques jours. Il s'appelle Kent Jones. On l'aura en live. On a entendu ça tout l'été. Mais surtout s'il y en a, il y a les filles, toutes celles qui s'amusent sur Musical.ly là, ça fait un an qu'elles l'ont, ce titre-là. Ah oui, c'est vrai. À Musical.ly, les titres, ils arrivent bien avant. Et en fait, généralement, quand on les joue en France sur les radios, on a un peu l'air con pour ceux qui suivent Musical.ly parce qu'on a juste 6 mois de retard. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc de fou ce morceau. J'adore ça, moi. Ça aussi, vous l'avez entendu cet été. Ouais. Alex, ça sera avec nous dans quelques jours. Amir est de retour. Non, ah, ça, c'est pas Amir, ça. C'est la suite de la chanson. Loris, ça vaut bien le coup de me faire chier avant l'émission pendant une heure à vérifier tous les sons, les uns après les autres, pour pas vérifier que ça, c'est pas Amir. Parce que je me suis arrêté là, tu m'as dit arrête-toi. Et bah arrête-toi, c'est insupportable. J'ai un mec à côté de moi qui pendant 20 minutes fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Au moins, il vérifie. C'est bon. Et au moment où il y en a un qui est pas bon, il y va pas. C'est un truc de fou. Ça c'est pas Alvaro Soler. C'est pas Evangeline non plus, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tu t'es arrêté à toute la ligne. Donc. Tu m'as dit arrête-toi, je me suis arrêté. D'accord. Ah, ouais, donc c'était pas Evangeline non plus. Ah, attention, on me dit qu'il y a une correction. Il y a un update à faire. Non, c'est toujours pas Evangeline. Bon, en tout cas, il y aura Soprano tout à l'heure. Ce soir, je suis en feu. Job, ça pille plus en panne. va jamais y arriver. À quoi? À tout de suite. Ah, bah non. Vous savez qu'aujourd'hui pour Soprano c'est une double interrogation écrite. Hein. Ah, il va s'embrouiller. C'est un contrôle. Hein. Ça va pas être facile pour lui. C'est hein. Vrai, non, mais... L'équipe va bien, mon Guéguette va bien. Oui, ça va. Ça va, mon Pietre. Ouais. Ouais, ouais. Ça va, Julie? Oui, ça va. Bientôt le week-end. T'es toute belle, t'es printanière. Cool. Ah bon? Ah, ouais, ça m'agace, j'ai envie de faire un rototo, mais je fais pas de rototo. Ça vous ah, arrive c'est jamais, sympa. Ça vous arrive jamais coca, d'avoir ça un peu bloqué. D'air de coincé là et il n'y a rien et vous êtes pas bien, vous avez une. Lâche-toi. Mais je peux pas. Y a, j'ai une espèce Laurie, de. T'as plus dans le dos. Oh, ah, c'est dégueu. Vas-y, mais rote-moi dessus. Il lui rote à la gueule en plus. C'est dégueulasse, arrête. 0870 42 48, passez-nous un petit coup de fil. Dites-nous bonjour, vous aurez Stouff et vous aurez Mika. Ça va les deux? Ça va. Ils se chauffent toute la journée dans le bureau, les deux. Ils font des bisous. Ils se chauffent, mais laisse tomber. Ah, mais c'est Stouff, elle s'habille sexy, elle se parfume. Ah, Mika ne lâche pas le dos, il attend les LMA. Ouais. Mais alors, je vais vous dire un truc. Je crois que Mika, pour le connaître depuis un bout de temps, ne lâche le dos sur personne. Ouais. Non, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que c'est quand même un gros loser de la baisse. On va se dire les choses franchement. Hein. Merci. Mais le mec, il est sur... tous les doses et en mode ouvert en permanence. Je l'ai chopé le hier soir, il était en train de se frotter sur une bouche à incendie. Ah non, mais... mais la dernière fois, il y avait, j'en dis pas plus, mais il y avait une nana sur laquelle il avait bien craqué pendant un truc et tout. Mais genre, il est allé, il s'est cassé les dents, les mâchoires, le nez. Et parce que tu dis, ouais, c'était une fois, c'est rare. Et je lui dis la dernière fois, je lui dis, bon, t'as laissé tomber. Il fait, non, je revois vendredi. Et il dit, non, rien, non. Mais tu vis trop, c'est vrai, mec, c'est vrai, tu vis trop. Fais mon bijou, t'as fait des bijoux. J'aime bien ça. Bon, en attendant, c'est jusqu'à quand pour gagner Shawn Mendes et la possibilité de le rencontrer, Julie? Jusqu'à mercredi prochain. Et vous partirez à Amsterdam voir Shawn Mendes, le rencontrer, lui faire un bisou. Et en même temps, vous aurez... Après, il parle comme ça, Jules, dans la vraie vie. Ouais, oui, dans... Vous une baguette avec un pain au chocolat. Sa voix n'est pas trafiquée, en et fait. Non, pas du tout, je m'appelle Jules. Et j'ai une voix qui va pas avec ma tête. Mais il est conscient quand même qu'il chante pas bien. Ah, oh là, oh là là, Julie, oh là là. On lui diffusera ça. Je m'en fous, je chante pas bien aussi, donc on peut rien. Oh mais... On va le recevoir, on lui redira. Non, mais ce que je veux dire, hashtag Julie critique Jules. Ah c'est parti, on y va, c'est parti. Oh le clash. Oh là là. Hashtag Julie critique Jules. Non, pire, hashtag Julie défonce Jules. Mais non. Hashtag Julie défonce Jules. On est d'accord, c'est du vocodeur, donc je pense que même lui, il assume de pas bien chanter et d'utiliser. Oh hashtag Julie redéfonce Jules. Tu vas te faire défoncer par les clashs. Ça va te faire de bisous. Tu ne seras pas sans mais bijou. J'ai pas dit que j'aimais pas. Je disais qu'il savait. Ouais. Mais comme plein d'artistes, pour le coup. La meuf qui se rattrape, j'ai pas dit que j'aimais pas. Il se rend compte qu'il chante mal ou pas? Mais non, j'ai pas dit que je l'aimais pas. Bah, bien sûr que non. Mais je suis sûr qu'il sait qu'il chante pas bien et qu'il. Ah oh là là là là, elle s'en fout. Deux, trois. C'est... Mais elle y va pas une demi-fois. Elle y va, elle se dit on y va. Je m'en fous, j'assume. Je suis bien dans le caca ou pas? J'assume parce que tout le monde le pense et personne n'ose le dire. Non, c'est un truc, c'est un truc artistique. C'est un style. C'est un voilà, style, c'est un style et qu'il est le seul à le faire. Bah oui, Arrêtez, et que au moins je trouve et qu'il a lancé ce truc-là, parce que même Booba le copie. Je trouve qu'en termes de marketing, c'est t'entends un titre, tu dis ça, c'est Jules. N'importe voilà. Quoi. Tout le monde, personne ne l'aime dans l'équipe sauf Mika. Sauf Mika. Mais t'es cinglé, toi, tu balances tout le monde alors qu'on a rien dit. Ouais. Alors on est victime parce que t'as envie de te rattraper au bar, ouais. Tu nous entraînes dans le fond. La journée, on chante avec Loris. Reste toute seule. Ça ne marchera pas. Moi, je connais les gens dans le bar. Il utilise du vocodeur, il sait pas chanter et voilà. Je suis sûr qu'il le sait. J'assume. Pas du vocodeur, je crois que c'est de l'autotune. Arrête, c'est de l'autotune, c'est pas déjà. Vocodeur. Un vocodeur, ça fait une voix de robot. Ouais, c'est pareil. Non, c'est. Bisous, c'est pareil. Hashtag Julie défonce Jules. Mais non, mais il a qu'à venir chez nous aussi, il vient jamais chez nous. Donc voilà, il vient de s'exprimer chez nous. Tous les gens qui viennent pas chez nous, on va les défoncer pour autant. Je les défonce pas, je dis juste qu'il utilise des. Voilà, et que c'est pas sa voix, donc il sait pas chanter. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça peut être une touche, ça peut être tu rajoutes ça sur un titre. Ouais. Ah non, mais on regarde est d'accord. Colonel Rayel, il utilisait ça et il s'est... Oui, on est d'accord, ouais, mais il savait pas chanter, les gars, arrêtez. C'est un mauvais exemple. Voilà. Mais voilà. Il savait pas chanter. Mais ça n'a rien à voir, Julie. Des fois, c'est pour rajouter un genre. Voilà. Bah, et c'est un genre que. Voilà. C'est un genre que quoi? Non, j'apprécie pas forcément, mais chacun ses goûts. Voilà. Il est peut-être très cool, Jules, dans la vie. Mais c'est pas pour autant que je trouve non que mais ça. Non, on a bien compris, ça fait 4 fois là. Eh ben, ah. Enfin bref, pas Jules, de bisous. Si tu nous écoutes, hein, viens t'exprimer. Bien sûr, t'as droit de réponse face à Julie, t'attends. Hein, RIB, Julie. Voici DJ Snake et Justin Bieber. Si jamais à un moment donné, il y a le double hit. Et il ton souhait. Voilà, c'était ça qu'il voulait pas sortir depuis tout à l'heure. Je savais qu'il y avait un truc qui me gênait. Ah, t'es sûr? Ah, merci beaucoup. Donc, je disais, si à un moment donné, un autre titre de Justin Bieber, l'iPhone 7, je vous l'offre. Il est beau, il est cher, mais il est beau. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Seule personne de petite taille, c'est Julie. Koé, 19h-22h sur Énergie. On est en plein clash. Hein. Hashtag Julie défonce tout. Là, Julie, t'es allée un petit peu loin. Ses propos sont les tiens. Arrêtez, on est tous d'accord. Artistiquement, c'était impossible. On est tous d'accord. Arrête de nous balancer dans tes merdes. On est tous d'accord. Mais ça commence à gueuler, sans Mais vous assumez pas. Moi, j'assume. Franchement, j'assume. J'en ai rien à faire. Vous n'avez pas de couilles, les gars, ou quoi? Arrêtez. Oui, mais quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, embrouille-toi avec Maud, comme Guéguette, pas avec un rappeur. Maud, elle chante bien, par contre. T'avances aussi. Elle chantait bien. Non, mais c'est vrai, il a raison. Va provoquer Christophe Willem. Tu te doutes bien qu'il va pas te défoncer la gueule. Fais un petit peu. Il a des potes. Fais un peu de lâcheté, Julie. Prends pas un mec qui peut te rouler dessus avec sa voiture. Réfléchis. Bon, les Kids United, ils les emmerdent. Oui, vas-y. Tu t'en as rien à foutre, il a raison. Prends des très vieux ou des gens qui te feront pas de mal. C'est ça. Kids United, tu peux y aller. Le mec qui te sort d'une chope à la sortie de l'école, il va se passer du temps. Mais en Julie, il faut que tu apprennes encore. Mandara à Soprano, s'il aime bien. À Soprano. Tout à l'heure, il sera notre invité Soprano. On verra. Non. Oublie ça. Non. Les artistes, il y a une solidarité en eux. Je poserai la question quand même. si je te donne des noms de gens d'autres radios, t'aimes bien ou pas? Comment ça? Si je te donne des noms, tu vas tous les aimer ou tu vas les déchirer? Bah, ça dépend qui, vas-y, dis. Ah non, ah non, mais alors, elle est dans son quart d'heure franchise. Alors, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Ah bah en plus, il y a eu un titre, Jules Soprano, ça ne change pas, en 2016. Ah merde. Eh ben écoute, c'est cool. Mais j'ai pas dit que je l'aimais pas, non, je le connais pas, je me permettrai pas. Je dis juste qu'il sait pas chanter. Mais arrête de reprendre ça quatre fois de suite, putain. Arrête. C'est tout, mais j'assume. Ça n'a rien à voir avec le fait de... Alors, je vais te dire mon avis, ça n'a rien à voir avec le fait de savoir chanter ou pas chanter. C'est un genre de mettre ça. Ouais. On alors, est des d'accord, fois, des c'est fois... un genre mais c'est pas qui parce se que... fait en ce moment, que beaucoup de gens aiment, mais... Mais c'est pas parce que tu le mets que tu ne sais pas chanter. T'as des gens qui savent placer les notes et ils le mettent quand même. Il y a des gens que ça arrange bien aussi. Mais bien sûr qu'il y a des gens que ça arrange bien. Maître Gims, il en met. Je rappelle qu'à la base, l'autotune, ça a été fait pour les gens qui ne savaient pas chanter. Il a été connu que tous ceux qui faisaient la Star Academy, ils étaient tellement à chier en studio parce qu'il fallait faire un album en 3 jours. Qu'on mettait l'autotune. Que les mecs, en fait, l'autotune, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on relève les notes. Si par exemple, vous faites ah, alors qu'il faut faire ah, et ben vous, note par note, vous avez une machine, tac, et vous relevez votre voix. Voilà. Et c'est pour ça que vous entendez des fois les mecs qui font ah, ah, ah, ah, ah. Parce qu'en fait les notes sont remontées les unes après les autres. Mais il y en a qui chantent très bien et qui mettent juste ça pour avoir un genre. Mais t'en as effectivement à qui ça a sauvé la vie. Ouais. Voilà, c'est tout. Ah bah il se met bien. Moi j'ai pas envie de me faire écraser à la sortie du studio. Pauline, comment ça va ma chérie? Ça va très bien et vous? Ouais, bienvenue chez nous ma belle. T'es en forme? Ah, impeccable. Bon, les vacances c'était comment? Bah c'est dimanche les vacances. Ah ouais, tu vas aller où? Dans le sud. Ah, c'est bon ça. Tu nous as envoyé un mail, tu me dis salut Koé, j'ai vu ton one man à Saint-Quentin dans l'Aisne. C'était juste génial en juillet. Ah, c'est vrai que c'était cool en juillet. C'était au plan ville, c'était énorme. Bientôt, on va aller dans le nord, on va retourner à plein d'endroits. On va aller dans une ville que je ne connais pas. J'ai vu ça sur le programme, ça m'a beaucoup fait rire. Je vais aller à sa mère. Sa mère. C'est dans le nord, donc on va aller à plein d'endroits comme ça, vous voir un petit peu partout pour le one man. Je viens juste d'avoir 25. Je vais avoir 25 ans dans quelques jours et je devrais faire un choix important et je ne sais pas quoi faire. Ah, quel est ce choix? Bah, en fait, on a proposé un job dans le sud à mon compagnon, donc je sais pas si on doit y aller ou pas. Si on, si toi ou si lui? Ah non, nous deux, parce que moi je le suis bien sûr. Et globalement, quand t'as un job pour le sud, fonce. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est la plupart du temps, les gens peuvent pas descendre parce qu'il y a pas forcément, il y a moins de travail. Ouais. Mais si t'as le job, la vie c'est une chose quand même. Lui il aurait le job, donc il travaillerait à Saint-Tropez et moi, pour moi je cherche. Non mais t'es trop bien là-bas. Mais oui, pourquoi tu vas pas? Bah c'est vis-à-vis de ma famille, c'est un peu dur mais bon. Bon, enfin tu sais qu'on a inventé un truc qui s'appelle le train, l'avion. Ouais, je pense que ta famille elle habite où? À Saint-Quentin. Tu sais que ça leur fera énormément plaisir de voir le soleil. Oui. Ah oui, c'est sûr, surtout que pas beaucoup. Ben oui, tu sais qu'à un moment donné, ça leur fera très très plaisir de voir qu'ils peuvent prendre le train et qu'en 3 heures ils sont chez toi. Et la qualité de vie est bien là-bas. Ça va être où dans le sud? Saint-Trope. Bah lui il travaillerait à Saint-Trope et nous on traverserait juste, je pense. Mais il va faire quoi à Saint-Trope? Vers où? Il va travailler dans un commercial, dans un magasin. Ah, hiver il aura le temps en plus parce qu'à Saint-Trope il y a personne. Par contre attention, mais l'été il y a tout, le coin qui est génial quoi. Mais vous allez kiffer hein, c'est beau Fréjus tout ça. Ouais, c'est beau. C'est pour ça on part la semaine prochaine pour son entretien puis pour voir comment ça va. Mais ne te pose pas de questions. Enfin c'est magique de pouvoir aller dans le sud. Il y a plein de gens qui en rêveraient de le faire. Alors que l'inverse, crois-moi que des gens à qui du sud on propose d'aller à Saint-Quentin, ils se posent d'autres questions. C'est compliqué. Ah ouais non c'est sûr. C'est bienvenu chez les ch'tis. Alors que c'est génial le nord. Je sais que des fois ça freine les gens du sud qui disent. Ouais mais mec le climat ça change tout. Mais les amis excusez-moi, moi qui connais les deux et qui balade un peu partout, le climat dans le nord oui il est rude. Mais pardon, mais les sympathies que tu vas faire avec tes voisins et avec les gens sont pas les mêmes que dans alors le sud. Alors ça, voilà, il y a une rumeur qui dit que dans le sud, c'est pas évident quand t'arrives. C'est pas une rumeur. Ouais. Moi, j'ai plein de potes qui n'étaient pas du sud, qui ont habité des années à côté de Nice, ils ne se sont pas fait un ami. Ouais. S'ils n'y arrivent pas, si t'es pas du coin, tu n'es pas accepté par les voisins. On te dit bonjour, je te dis pas qu'on te caillasse, mais t'es pas invité au barbecue et t'as pas de vrais amis. C'est un peu ils ont un peu de temps. Ils c'est pareil dans le sud-ouest, c'est pareil partout. Faut que tu travailles ton accent, t'as une formation pour ça. C'est de meilleur. Mais elle a raison, Julie. C'est vrai que si t'es pas lyonnais, t'auras du mal à Lyon, hein, Mika. Les Lyonnais sont un peu entre eux. Bordelais, c'est pareil. Mais c'est un peu, si, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai deux cousins qui sont partis vivre dans le sud. Ils ont plein de potes directs. Mais ça dépend comment. Bah, Salon de Provence, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est pas le 06. C'est pas Saint-Tropez. C'est autre chose. Pas les Alpes-Maritimes. C'est le 13. Excusez-nous. C'est Marseille. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que moi, enfin moi, je serais toi, je me poserais pas la question. C'est génial d'aller dans le sud. Après, voilà, à vous de vous faire des amis. Mais enfin, c'est un kiff quand même. Il y a plein de gens qui rêvent de le faire. Vous êtes jeunes. Ah oui, bah faites-le. Oui. Profitez. Ouais, je pense que de toute façon, ça va aller plutôt dans ce sens-là. Et je pense que ta famille sera très contente. Et tu verras, je pense que je ne me trompe pas. Toi, progressivement, tu iras de moins en moins à remonter dans le Nord. Tu verras, c'est eux qui descendront. Ils diront non, non, viens, viens, t'inquiète pas, on vient. En plus, tes parents, après, ils resteront. Quel âge ils ont, tes parents? Ils sont jeunes. Mon père vient d'avoir 60. Oh, ça va, ah, ça va, ça peut encore bouger. Et puis, si vous avez des enfants, ça sera top. Après l'école, à la plage, et c'est cool. Hein. Voilà, en hiver, ça, à la plage. Alors qu'au Touquet, tu fais ça en hiver. C'est vrai, en hiver, les bers sont congelés. Captain Igloo. Hein. C'est vrai? Bah oui, moi j'habitais dans le sud. Donc après la plage, j'allais pas au parc ou ailleurs, j'allais à la plage. Je te fais un gros bisou, ma petite Pauline. Je t'embrasse. Oui, merci, gros bisou à vous. Et kiffe, et puis bonne chance pour l'examen, enfin l'entretien. Tu nous dis en courant, d'accord? Ok, merci. Bon courage, bisous. T'es mon bisou. Je t'embrasse, voici. Souffle! J'adore ce morceau de soupe, il était venu nous le faire avant l'été. Elle me dit qu'elle est fatiguée, elle me dit qu'elle veut tout lâcher, même pas eu le temps de lui expliquer, c'est plus la peine de continuer, mais c'est le temps qui court, court, court, court, court, mais c'est le temps qui court, pour tout ce mal je suis désolé. Mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais à coup pas. Elle m'a fatigué, c'est à cause d'elle que je vais tout lâcher, je sais pas comment lui expliquer, un jour je finirai par me barrer, mais c'est le temps qui court, court, court, court, court, mais c'est le temps qui court, pour tout ce mal je suis désolé, encore une fois j'ai tout gâché. C'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais à coup pas. Ce soir, on se fait la fête avec Sopra. On sera vendredi. Ça va, vous allez le kiffer ce morceau. On s'en fera deux. Tout ce que vous avez entendu tout l'été sur Énergie, le diable s'habille pur en Prada et le nouveau, voilà, vous allez tout entendre dans un instant. C'est bon, non? Ouais. Il y a des textes? Oui. Non, il y a des textes, non, non, il se débrouille. Ça va, il y a un moment. Faut qu'on prenne des souffleurs discrets dans le public. On donnera les textes dans le public. On va se débrouiller. Tout de suite, on revient. Une seule radio joue tous les hits. C'est Énergie. Only. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais

I just don't understand. And no, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. And I don't know how to talk to you. Last night I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. And no, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. The years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Côté Gad Elmaleh et Kev Adams arriveront bientôt, venir nous voir. Il y aura du Maître Gims, il y a toutes les stars que vous aimez chez nous, tous les soirs 19h à 22h. Je m'appelle Koé, on est sur Énergie, et grâce à vous c'est la première émission de France, et j'ai envie de dire merci, je vous applaudis. Bravo. Donc on arrive, vous savez qu'on va arriver à 3 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Continuez de nous rejoindre. C'est dingue. C'est énorme, on est à 2,7 millions. Donc continuez, rejoignez-nous. C'est Koé officiel sur YouTube. Oui. Et puis nos vidéos, là on arrive à 1,150 milliards presque bientôt. Ouais. Ça va être fabuleux, mais ça va être fantastique. Vous savez quoi ? Merci, il y a une petite jeune fille qui m'a donné des bonbons. C'est mignon, c'est quoi son prénom ? De donner le micro à cette demoiselle, elle m'a donné des bonbons. Alors, il est toute jeune. Je m'appelle Maïssa. Ça va Maïssa ? Oui. T'habites où ? À Bagneux, merci ma chérie pour les bonbons, c'est gentil comme tout. Mais tu sais que je suis au régime. Je peux pas en manger, mais je vais regarder mes amis de l'équipe en manger. D'accord. Merci. Et elle m'a donné des os. C'est pour qui ça ? C'est pour ton chien. C'est trop mignon. Mais ça par contre tu peux en manger. Ouais. Je peux en manger. Il y a écrit protéines, il y a écrit machos, il y a écrit pour les chiens et pour Koé. C'est écrit, ça je peux y aller. C'est bon, merci mademoiselle, t'es un amour en tout cas, ça lui fera bien plaisir. Hein. Quand je vais lui donner ça, je peux te dire qu'elle va me regarder avec les yeux de l'amour. En attendant, est-ce que vous vous souvenez de notre ami Daniel ? Oui. On a le temps maintenant ? Oui. Daniel, le gars bourré qui appelait nous et qui disait toujours qu'il allait appeler la gendarmerie. Faudrait qu'on rappelle d'ailleurs. Mais quand il dit je vais appeler la gendarmerie, ça se dit pas si simplement. Je vais appeler gendarmerie, t'as pas vous dire non avec eux. Ah, la gendarmerie, la gendarmerie. Je vais appeler la gendarmerie. Eh monsieur ! Bah oui, hein, et puis t'es pas content des fois, hein. Va t'enculer, moi. Ouais, ah oui, t'es pas heureux, hein. Arrêtez les conneries, bon. Ouais. Même disait des fois. Ah, je les ai branchés directement. Nous, on est branchés directement, j'en demande rien. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on a découpé tous les sons du de monsieur. Daniel. On les a là. Je peux appuyer sur plein de trucs, hein. J'ai qui à l'appareil ? Voilà. Qui est l'appareil ? Avec ça, ça me fait rien. Et on va appeler le 118-218. En théorie, ils ne doivent pas raccrocher aux gens. Exactement, ouais. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. On ne dit plus rien. Ça va peut-être être un peu n'importe quoi, parce qu'on le fait en live. Hein. Ça se tente. C'est pas enregistré. Non. On voit ce que ça donne, on y va, ça se tente. C'est parti. On coupe les micros. Bienvenue au 118-712. Pour nos tarifs, tapez 1. Un conseiller va vous répondre. 118-712, bonjour. Que puis-je pour vous ? Eh, hey, monsieur ! Oui ? J'ai appelé Jean-Denis, t'as pas vous dire maintenant avec eux. Oui, monsieur, quelle est votre demande ? Non, j'aime pas qu'on aille les gens comme ça au soir. Vous avez un problème auparavant, monsieur ? Vous avez appelé les renseignements. C'est comment votre nom ? Moi, je m'appelle Zoran. Là, ton numéro de téléphone, le jeu. Ah non, ça, on peut pas le donner. Non, mais j'ai ton numéro. Ben, c'est possible. Ça peut arriver comment à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Comment ? De se tromper. Arrêtez les conneries, bon. Bonne journée avant, monsieur. C'est bon, vous êtes soulagé ? Arrêtez les conneries, bon. Vous pouvez parler aisément, voilà. Bye. mis en attente pour Milan. On s'en fout parce qu'on va en faire un autre. Ok. Et ça nous abuse beaucoup. Oui. Vas-y, parce que continue. L'avantage du 118-218, c'est qu'ils sont au moins 218 à traiter. Ouais. C'est ça qui est bien. Normalement, tu regardes, je crois que t'as un. Connais pas. Ouais, je sais. Bienvenue au 118-218. Si vous êtes un consommateur, pour nos tarifs, tapez 1. Sinon, merci de rester en ligne pour joindre un conseiller. 118-218, bonjour. Quelle est votre demande ? Eh, hey, monsieur ! Je vous écoute, monsieur. Comment ? Oui ? Ah, vous n'êtes pas. La pigeon de meute, on peut vous dire maintenant avec eux. Vous pouvez m'excuser, monsieur, je n'ai pas très bien entendu votre demande. Comment ? Que recherchez-vous, s'il vous plaît ? Je n'ai pas très bien entendu. Non, c'est bon, ça va. Non, je n'ai pas rigolé, monsieur. Je vais m'excuser, je n'ai pas entendu. C'est comment votre nom ? Je suis dans l'obligation de mettre fin à cet appel. Merci pour votre appel et excellente journée. Je suis pas à téléphoner. Là, on a un garde à vue maintenant. Et si on essayait. Ça y est, on est parti là. Là, on a fait 118-218, ils sont mignons. Oui. On fait Matignon. On fait du super haut de gamme. On se dit, et si le cabinet du Premier ministre. Ah ouais, vas-y, on essaye. Allez. Tout de suite ou après? Après. Après Charlie Pouce. Restez avec nous. On met Charlie Pouce sur énergie dans un instant. Attention, on fait du haut de gamme. Koé, 19h-22h sur énergie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Excusez-moi, monsieur, c'est la place de Coé. Ah, mais c'est toi, Coco. Pardon. Non, mais t'as tellement maigri et bronzé que je t'avais pris pour Vincent Cerutti. Coé, 19h-22h, sur Énergie. Toute l'équipe est sur Énergie, Soprano sera notre invité. Et on s'est dit, il faut que Daniel... Bye. Et oui, Daniel, il faut que Daniel passe un coup de fil. Tous les sons sont dans ma machine, à Énergie, pour voir. Parce que c'est bien joli de se moquer du 118-218. Mais comment réagit Énergie Alors, attention, personne n'a prévenu personne au standard. Hein. Donc c'est le standard de l'accueil, là. C'est qu'on le standard appelle. De l'accueil. Ouais. Mais peut-être pas là, de l'autre bureau. Ouais. On va voir. Troupe Énergie, bonjour. C'est vraiment votre nom? J'entends rien du tout, monsieur, je dois rajouter. J'ai qui à taille? Oh, la sympathie. C'est ce que l'on appelle l'accueil d'énergie. Rappel. Oh, mais sans déconner. Ah là, pas insister. Hein. J'entends pas, je devrais raccrocher. En même temps, quand t'entends un gars comme ça... Il la voit dans le public. Ça dérange pas son emploi fictif de voir le téléphone sonner et pas décrocher? Elle décroche pas, elle enlève sa veste et tout. Ah ouais? Ah, trop de boulot. Hein. C'est fantastique. C'est dingue. Non. Rappel. L'équipe ici, la voix d'ici, elle ne bosse pas. Elle bosse pas. Je veux dire qu'elle va avoir des problèmes. Il y a Loris qui passe devant et tout. Apparemment, elle raccroche direct. Non, elle range sa veste, elle a plié là. Elle bosse bien, elle a autre chose à foutre. C'est une bonne recrue, hein. Ah, elle se lève. Ah, quand même. Ah, elle se tire. On va chercher un café. Et elle s'en va. Elle est partie. C'est vrai. Tu peux pas répondre au téléphone, bordel. Attends, elle se remet. Ah, elle y retourne. Attention, elle y retourne, elle se remet en place. Elle a son sac, elle a pris son sac. Au cas où le téléphone sonnerait, peut-être qu'elle va décrocher. Non, elle est pas habituée. Pourtant, elle a le casque sur la tête, hein. Ça t'emmerderait de décrocher? Non, elle a son sac, elle s'en va. Elle se relève, elle s'en va. C'est énorme. C'est énorme. C'est génial. Je l'applaudis, la standard d'énergie. Je ne sais pas qui est cette fantastique recrue. Mais comment c'est elle s'appelle? C'est sa première standardiste qui ne peut pas répondre au téléphone. Elle voit le téléphone, elle fait... Oh, mais elle s'en va vraiment. Elle s'en va. Regarde. Elle s'en va. Elle est incroyable. Elle passe le tourniquet, elle est partie. Oui. Tout le monde s'applaudit parce que... Je dois dire qu'une standardiste qui voit le téléphone sonner et qui dit bon, et moi je me casse parce que l'heure, c'est l'heure. Elle est grandiose. Bon, allez, que ça ne nous empêche pas de passer un petit coup de fil à une gendarmerie. Allez, on fait une gendarmerie, puis après on reprend le cours normal. Et on arrête de jouer avec Daniel. Comment les policiers peuvent réagir? Nous êtes donc en communication avec la gendarmerie nationale. Votre appel est pris en compte. Veuillez ne pas quitter. Nous allons répondre à votre appel. Le mieux, c'est s'il l'enregistre. Gendarmerie de Boé, bonjour. Eh, hey, monsieur. Allô. La gendarmerie, t'as pas vous dire maintenant avec eux. Allô. Parce que j'ai branché direct. Nous, on est branché directement, je ne vois rien. Et il a raccroché. Les gens n'ont c'est aucune dingue. Patience. Non, mais ce qui est ouf, c'est que ça doit être la standardiste d'énergie qui a dû prendre son service à la gendarmerie. Non, ça sonne encore. Elle a dû arriver, elle a dit, c'est quoi ce téléphone qui sonne partout maintenant? Alors, on veut plus être tranquille. Il y a quelqu'un qui s'est assis au standard. Merci mademoiselle. Il y a quelqu'un qui s'est assis au standard d'énergie. C'est une... Alors appelons, testons la nouvelle standardiste. La nouvelle, allons-y. Nous allons donc tester les nouvelles standardistes à énergie. Groupe Énergie, bonjour. Eh hey, monsieur. Bah, parce que j'ai branché direct. Nous on est branché directement, je ne demande rien. Monsieur, quelle est votre demande s'il vous plaît? C'est comment votre nom? Comment? J'ai qui à l'appareil? Vous êtes chez Énergie, monsieur, la radio. Je ne connais pas. Non, mais j'ai trompé de numéro. Ah oui, vous vous êtes trompé de numéro, monsieur. Comment? Hé, monsieur. Monsieur, vous êtes trompé de numéro. J'aime pas quand même les gens comme ça au soir. Elle a bien tenu. Bravo. Parce qu'on l'a appelé au début de son service, on l'appelle à 5 minutes avant la fin. Bienvenue sur Énergie tout le monde, allez, dans un instant la suite, on aura vous tous au téléphone. Elle a bien tenu quand même. On réessayera, on réessayera. Un peu plus de patience que... Elle est plus cool, ouais. J'adore. Qu'est-ce qu'on écoute? Boosty. Ah, il est bien le nouveau Boosty. On est vendredi soir, je m'appelle Coé. Tout roule, tout à l'heure, ce sera Soprano qui sera avec nous.

personne. Pour la défense, je suis retombé sur des photos de mes parents, machin et tout. À l'époque, quand les gens ils avaient 50 ans, c'était des papy mamie quoi. C'était des vieillards. Il avait les fringues aussi qui faisaient ça. Ah, le look, les fringues. Ah, la moustache, le visage tapé. Ouais, ils étaient tapés les gens. Attends, à 50 ans, c'est vrai que tu vas avoir des. Mais bon, à 60 ans, t'as beau faire ce que tu veux, ça part en couille quand même un petit peu. Ah, mais si, Julie, quand même. Les femmes, notamment, les mecs peuvent tenir encore un petit peu. Oui, c'est vrai. Mais si, Julie, toujours, c'est toujours dans le même sens. T'es mon bijou, je te fais des bisous. Arrête. Allez, on y va. Cécilia, 25 ans, ça va? Coucou. Salut, ma belle. T'es en forme? Ça va et vous? Oui, bienvenue, bienvenue chez nous, bienvenue, c'est vendredi. Je suis super contente, merci. Mais, je suis heureuse de vous avoir au téléphone. Ouais, nous aussi, on est contents de t'avoir. De quoi on parlera dans un instant? Ben, on va parler de toi, Chloé. Oui, c'est pour ça que je suis super contente de vous avoir au téléphone. En fait, c'est parce que j'avais un aveu, c'est que Chloé, en fait, j'ai toujours trouvé marrant, mais là, depuis cette rentrée, depuis peu, je trouve hyper sexy. Ah, ça y est. Et vraiment. Ah ouais, mais vraiment sexy. L'effet quoi, des kilos en moins. Mais attends, tu sais quoi? On en parlera dans un instant. Ah, ça y est. Pendant deux heures. Et je vais te dire un truc. Soprano, il va rester chez lui. Je vais te dire un truc. S'il faut annuler Soprano, parce que t'as pas fini, on en parlera. Ah, on n'a pas besoin de Soprano. Là. Non, mais s'il faut en parler pendant deux heures, on en parlera pendant deux heures. Ne bouge pas, ma belle, ne bouge pas. Juste après, c'est qui? Koukoungs. C'est pas Koukoungs, c'est Koukoungs. Koukoungs, c'est pas Koukoungs. C'est toi qui as dit Koukoungs? Non, moi j'ai dit en même temps, on a dit en même temps. Ah, c'est magique. Koukoungs. Allez, on est sur le début. débat de deux heures commence donc sur cette demoiselle qui a un sujet extrêmement intéressant. Cécilia, peux-tu nous le répéter, s'il te plaît? Un flash info spécial, je pense. Alors, est-ce que moi, allô, je suis toujours là. Oui, alors de quoi parlons-nous? Je voulais parler en fait de ton changement. Je voulais parler de toi. Je voulais parler du fait que aussi depuis que t'as pris d'assurance, depuis que t'as maigri, il faut dire, et ben t'es devenue super sexy. Qu'est-ce qu'on en a parlé de ce régime? Ah oui, on en a pas fini d'en parler, je pense, parce que franchement, moi, c'est, je suis l'exemple de la personne qui au début te suivait parce que t'étais très marrant. Et du coup, en fait, du jour, enfin, depuis que t'es rentrée, là, je te trouve vraiment, vraiment sexy. Et ça devient vraiment une autre question. Oula! Mais voir un fantasme. Aujourd'hui, je suis en couple, en fait, et mon mec, il voit que je suis tous les jours en train de regarder des vidéos. Je vois ta vidéo de toi torse nu, j'arrête pas de regarder des vidéos. Quelle est ton petit point, la vidéo de moi torse nu? Sur la péniche. Tous les vues, c'est moi, là, sur YouTube, avec tes vidéos. Oui, sur la péniche, quand on est allé chez l'auditeur, là, c'est un béton de chien, parce que t'avais des confettis. Ah, c'est ça que je... Que je comprends pas depuis quelques temps qu'il y avait des gens qui disaient ouais torse nu machin, c'est de cette vidéo là. Bah oui, t'apparaît pas longtemps, mais t'es bien gaulé, donc on l'a laissé pour le coup. Ah ouais, celle-là. Autant avant on l'aurait pas mis. Ah non, c'est bavé cette vidéo, j'arrête pas de la regarder, quoi. En plus t'es bronzé et tout. Elle est en boucle. Oui, on parlait dessus. Ah, t'as kiffé ces photos de vacances. Les yeux là, il a tout pour lui. J'ai pas vu. Excusez-moi, je l'ai pas vu la vidéo celle-là, j'ai pas vu. Oh merde! Il a pas vu sa propre vidéo? Oui, non. T'as vu celle-là? Il a même pas vu sa propre vidéo. Mais ouais! Elle s'est fait sans effets spéciaux, hein? Non, mais lui-même, il va pas Photoshop. Il a regardé. Ah, il se frotte le téton. Il se frotte le téton et tout. J'ai un petit côté Mathieu Delormeau. Oh non! Oui, il est bien gaulé. Il est bien gaulé, Delormeau. Ah bah oui. Mais bon, attends, Mathieu Delormeau. Stéphanie! Qu'est-ce qu'il y a, Stouf? Attends, excusez-moi, il y a un débat. T'es mieux quand même. Mais non, mais il est bien gaulé. Après, on aime ou on n'aime pas les gens, mais non, il est gaulé de ouf. Arrêtez, il passe ses journées à la salle. Ah ouais. Mathieu Delormeau. Ouais, il est bien gaulé. Mais moi, ça lui va pas. Moi, je trouve qu'il ressemble à une crevette. Il a des abdos de ouf. Une crevette. Non, il est encore de fou. Ouais, dans les placettes. Il est large de. Fais gaffe, Guéguette, il est encore de fou. Ouais. On a l'impression que t'as un morceau. Excusez-moi, il est balèze de quoi. Ouais, mais il sent pas le sexe, Coco. Ouais, voilà. Bah, t'as senti. Sans le plastique de Delormeau. Ah bah c'est sympa. Après Jules Delormeau, les gars. Croyez-moi que moi il est souvent à côté de moi ces derniers temps. Il a tendance à sentir le sexe quand même. Et le plastique. Je trouve qu'il est pas mal parce qu'il c'est pas un gamin hein, Delormeau. Hein. Je sais pas quel âge il a. 40 ans, 40 ans, je crois. Il est bien gaulé hein. J'aimerais bien 40 ans, 40 ans mais non. Si. Ouais. Ah si c'est pas un môme. Hein. Non il se. Ah ouais. Il est encore de gamin du coup. Bah voilà. Il est hyper bien conservé moi je trouve. Bon alors et donc ton mec ça le dérange pas trop que d'un seul coup tu regardes une vidéo je suis torse nu qui a aucun âge. Il commence à avoir l'intérêt et du coup il arrête pas de regarder derrière moi mais t'arrêtes pas avec Koé et puis tu vois il commence à être un peu jaloux en fait et là je commence à prendre conscience que vraiment ça devient une obsession. C'est pour ça que je voulais vraiment que vous m'envoyez le mail et t'avoir au téléphone parce que j'aurais aimé te rencontrer, j'aimerais bien venir au plateau, j'aimerais bien te voir. Ouais, tu peux conclure quoi. Tu sais ce qu'il faudrait que je fasse. T'as une photo de la demoiselle ou tu pas sais, ouais, je l'ai, elle est très jolie. Tu sais ce qu'il faudrait que je fasse, mademoiselle? C'est que je passe chez toi avec des capotes. Non. Ce qu'il faudrait, c'est que je casse cette envie que tu as pour que tu respectes ton couple et que tu sois. Mais non, je respecte ton couple. Mais non, faut pas. Ah non. Si, balancer des défauts. Mais je commence à prendre toutes les brochures de journaux qui passent. J'ai imprimé toutes tes photos que t'as postées quand j'étais à Miami. J'ai commencé à les accrocher dans ma chambre. Ils commencent à péter un câble. Écoute, non, mais je vais pas. Ah non. Mais viens au studio, tu verras la poutre de Bamako. J'ai envie de dire, viens tâter du Bakary. Oui, c'est ça. Parce que c'est là que tu prendras pleinement connaissance de là. Parce qu'en photo, tu ne vois pas le Bakary. Mais dis-toi que de temps en temps, c'est le Bakary qui tient l'appareil photo. Faut voir si tout l'ensemble est en accord. J'ai tout musclé l'ensemble. Ah oui. Tu l'as musclé aussi. Je l'ai maigri un peu. Ouais. Et j'ai mis un petit haltère ici, ces petits haltères avec des poids et un petit rond. Tu mets du développé couché, le sub. Et après, là, il est en pleine forme. Il est... J'imagine le truc. Il est mis un haltère Azizi. Ça se vendait avant. J'avais offert à ça un pote. Un haltère Azizi. Mais non. Mais si, ça se vendait dans les magasins de Farce et Attrape. C'était un petit haltère. Ouais. Avec comme un haltère. Sauf que plutôt que d'avoir une barre droite, il avait une barre ronde comme pour mettre la bite. Ouais. Et tu mettais la bite là et tu faisais. C'est drôle. Et mon pote a vraiment cru que ça fonctionnait, que ça pouvait fonctionner. Il m'a dit, ah putain. Et il a testé tous les jours. Je sais pas, j'étais pas là non plus, j'étais pas un type à ce point-là. Bon, je te fais un gros bisou et tu viens nous voir quand tu veux dans le studio. Ah mais c'est sûr, je viendrai. D'accord. Je viendrai confiant. Fais pas ça devant ton mec parce que le pauvre quand même a supporté ça détester. Tous les jours. Je vais perdre un client, il va plus pouvoir me l'aider. Je commence à m'en rendre compte en fait que ouais, il peut être jaloux, mais ouais. Allez, je te fais un gros bisou. Mais moi aussi, je te fais un gros bisou. Merci. Rêve bien de moi. À tous. Tu rêves c'est de moi. Tu rêves de moi ce soir. Ah c'est sûr, comme tous les soirs. Hein. Tu m'imagines tout nu comme au bout tous de ton les lit. Soirs. Ah oui, à côté de moi tout nu. Sachant qu'à côté de toi il y a ton mec, bon ça va, c'est un peu compliqué. Je vous embrasse. Bah, on remplace. Ah ouais, il en a. S'il écoute cette émission, donc il m'aime définitivement plus. Oui. Je te fais un gros bisou, Cécilia. Il était avec nous il y a deux jours. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'en pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte, ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Sera notre invité, on va le kiffer ce moment, on se fera le diable s'habille en Prada, puis on se fera c'est chaud, ça va être bien, on va le kiffer cette émission, c'est la dernière de la semaine. N'oubliez pas que dans les jours qui viennent, vous allez l'adorer l'émission, vous allez l'adorer parce qu'on va vous ramener que du bon. Tous les jours, hein, que du bon. Mardi, il y a qui devait. Dans quelques jours, Maître Gims. Jamais. Zao vient jeudi. C'est toujours pas Zao ça. Non. Mais hey, vous pouvez pas vérifier 10 chansons, c'est plus c'est compliqué. Alex Ayono ça c'est non mais c'est un truc de ouf. Il y aura une Angeline. Ah ça j'adore. Willy William va venir nous voir. Dis-moi quand est-ce qu'on s'endort. a chacun nos chansons en fait. J'aime bien celle-là. Ouais. Ah si, j'adore. Sophia. Pour les filles du public, il y aura Alonso. T'es mon bijou, t'as fait des bisous. T'es mon bijou, t'as fait des bisous. Maintenant, c'est les plus gros mecs, tu sais, qui faisaient du rap et tout, qui faisaient des trucs durs. Maintenant, ils font des trucs de t'es mon bébé, je t'aime. C'est ça qui est improbable. Bébé, t'es mon chéri. Ouais. C'est incroyable, hein. Allez, c'est mignon. Et ma chanson préférée, il est avec nous dans quelques jours. Lui aussi, il a fait 40 ans de tôle. Il sera notre invité dans quelques jours, Cat Jones. Pour l'instant, voici le Ils sont cool ou pas. Vous connaissez le principe, on avait commencé ça juste avant la saison dernière. Oui. Et ça avait cartonné le Ils sont cool ou pas. On prend un nom de magasin, de restaurant ou d'entreprise qui a un nom très cool. Et on essaie de voir si vraiment ils ont que le nom. Ou si ils sont cool. C'est-à-dire qu'on les fait chier en gros quoi. Ouais. On les pousse à bout. On les pousse à bout. Et je vous préviens, dans cette séquence, je peux être très con. Oui, c'est ça. Et je sais très bien le faire. Et je suis désolé parce que je peux être odieux. On a trouvé le cabinet Courtois. Voilà, c'est le cabinet. Ils sont obligés d'être courtois. Le cabinet Courtois, tu es obligé d'être courtois. Forcément. Tu peux pas, si tu dis ouais, allô, qui chie à sa camère, je peux pas te répondre. Dis, non, cabinet Courtois, il est courtois. Voilà, par contre, moi, je vais l'être moins. On y va. On va voir combien ils tiennent. Allô. Cabinet Courtois, bonjour. Ouais, bonjour monsieur. Je vous appelle parce que, bon, on m'a conseillé de vous appeler parce que je cherche à acheter un appart là, sur Paris. Oui, tout à fait, je vous passe la personne qui est en charge. Ouais, merci monsieur. Madame. Monsieur. Moi c'est monsieur. Oui. Non, mais elle dit madame. Oui. Bah alors. Merci. Ouais. Pas fini. Allô. Oui. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ouais, bizarre là, la personne qui répond au téléphone, elle m'a appelé madame. Ah, d'accord. Bah oui, je ne suis pas très. Je ne sais pas en quoi j'ai quelque chose de madame, mais. Oui, oui, si je vous le confirme. Enfin bon. Je vous appelle parce que voilà, je voulais acheter un appartement, on m'a conseillé de vous appeler. Oui. Budget 850 000 euros, quoi. D'accord. Pour un 3 pièces. Vous vous mettez combien dans les fouilles, là, pour un budget comme ça? Vous mettez beaucoup ou pas en com? Non on prend 5% de commission. Faites pas chier. De toute façon, vous êtes du bureau. Voilà. Parce que je sais que les agents immobiliers, c'est tous des escrocs, hein, vous serez d'accord avec moi, mais bon, on n'a pas le choix. Alors, donc, vous avez un bel appart, c'est quelque chose ou pas? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je viens de vous le dire, courte mémoire, appartement, 850 000 euros, 3 pièces. Vous vous souvenez, okay. Je vous ai même dit, vous mettez combien dans les fouilles pour un budget comme ça? Vous avez dit 5%. Oui, mais il faut me donner plus de précision, c'est assez peu en fait comme détail. Hein. Ah oui, d'accord, bah, 850 000 euros de budget, voilà. Qu'est-ce que vous avez? Vous en avez beaucoup à ce prix-là ou pas, en 3 pièces? Dans quel secteur? Qu'est-ce que vous avez comme secteur? Un peu tout Paris. Ouais. 15e? Vous cherchez où? Vous avez quoi? 15e, non. Ah, on ne va pas avoir grand-chose. J'aime pas. 16? 16e, oui, 16e, on pourrait avoir quelque chose. Ouais, mais j'aime pas, ça pue, il se la raconte là-bas, insupportable. Premier, oui, on pourrait avoir quelque chose. Ouais, bon. Moi, je veux pas les quartiers avec les gros cons de bobos, la barbe qui pend et qui sont en Vélib, quoi, vous voyez? D'accord. Je veux du truc, vous voyez, on croise des agents immobiliers qui font du vélo le dimanche, quoi. Vous voyez, je veux des gens normaux. D'accord, je comprends. Vous avez un patron ou pas, là? Bien sûr, oui. Parce que je vais peut-être lui parler, parce que je sens que vous êtes limite pas compétent. Vous sentez que je suis limite pas compétent, je comprends pas en fait ce ton que vous employez, c'est monsieur. C'est pas un ton que je parle, j'ai l'impression. Je trouve vraiment très incorrect, et avec ma collaboratrice et avec moi. Donc, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas d'un monsieur de votre recherche. Attendez, excusez-moi, votre collaboratrice. Tu tiens tellement bien ça. En fait, t'es frustré de pas être comme ça. On les rappelle, on les rappelle. On les rappelle. Et ils ont bien tenu quand même. T'es frustré de pas être comme ça, je suis sûr. C'est que c'est magique. Ouais, ça va être trop bien de pouvoir y chier. Il y a vraiment des gens qui sont venus. Oui. Je pense. Attends. Cabinet Courtois, bonjour. Oui, c'est le stagiaire que j'ai eu il y a 2 minutes là. C'est vous? Qui est à l'appareil, monsieur? C'est vous que j'ai eu il y a 2 minutes au téléphone? Non, monsieur. Ah, parce que je me suis fait raccrochonner par un stagiaire là, totalement. Je vous écoute, monsieur. Non, mais je vous souhaite du courage, monsieur, hein, parce que entre la dame à l'entrée qui me prend pour une femme. Qui a deux tensions et lui qui est un stagiaire, on s'en sort pas. Hein. On s'en sort pas, hein. Tout ça pour 5 euros de 5% de commission, monsieur, quand même, je vous le rappelle. Alors, vous pouvez m'expliquer, bien sûr, monsieur. C'est-à-dire que vous êtes client chez nous, monsieur? Bah non, je suis pas client, je devais le devenir, et puis je vois le bon accueil que vous avez, j'ai envie de dire merci. Hein. je comprends bien sûr, mais que se passe-t-il en fait, monsieur? C'est un stagiaire, c'est qui le jeune homme que j'ai eu là? Non, non, c'est un commercial. Vous n'avez pas signé le contrat, c'est Dédé. Vous pouvez m'expliquer exactement, monsieur, l'objet de votre appel, en fait. Vous étiez sur le... Vous avez un appartement à vendre, c'est ça? Oui, monsieur, je cherchais à acheter, monsieur. J'ai de l'argent, je veux claquer. Voilà, je cherchais à acheter, voilà. Cherchez à acheter, oui, très bien. Alors, si vous ne souhaitez pas avoir mon argent, je l'offre à d'autres. Non, bah, avoir votre argent, non, mais pourquoi pas réaliser votre projet immobilier? Alors, j'ai envie d'avoir des gens compétents, pas des stagiaires. Pas ceux qui sortent de l'école, là, qui font des cafés, qui décrochent le téléphone. Il confond le premier avec le 15e, le 6e, il connaît même pas sa carte de Paris. Enfin, on n'en s'en sort plus, monsieur. Je comprends, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous recherchez à acheter? Il est à côté de vous, là? Oui, tout à fait, oui. Vous pouvez lui dire un truc ou pas, de ma part? Dites-moi, monsieur. Vous allez lui dire que je m'appelle Coé et que c'était juste pour l'emmerder et qu'il a été très sympa quand même. Et je suis vraiment désolé. Mais c'est le même, non? On aurait dit les mêmes qui auraient répondu. Mais oui, c'est pour ça. Non, mais... Je vous le repasse. Repassez-le moi parce que le pauvre, faut que je m'excuse. C'est quoi votre numéro? 42. Ils sont hyper cool, n'empêche. Vous avez des numéros de téléphone très courts chez vous, c'est 42. Salut, tu veux m'appeler ce soir? Je te donne un numéro. Le 42. C'est une ligne de plus, c'est pas un numéro. Allô? Allô? Ouais, hey, je suis désolé, hein, c'est Coé à l'appareil. On est sur Énergie. Bravo, vous avez été très sympa. Vous avez été très courtois. Vous êtes sérieux là? Ouais. Okay. Et vous embrasserez la demoiselle à l'accueil. Quelle la peau, ouais. D'accord. Oui, oui, bien sûr, je vais vous la repasser, ouais. Et bah, repassez-la moi, j'ai fait un bisou. Okay. Tout le monde. J'ai fait tout le cabinet. Faites des excuses à tout le monde. En même temps, là, ils sont très emmerdés, ils vont venir rater une vente à 850. Ah, ouais. Ah, oui, non, mais là, là avec le ton que vous avez employé, là, j'ai failli mettre un coup de tête dans l'écran, en fait. Vous avez pu repassez-moi la demoiselle, j'ai fait un bisou. Je vous repasse la demoiselle, oui. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Tu veux qui m'appelle? Oui, c'est vrai. Pas dire. Au revoir, Renaud Guillon. Bon. C'est bizarre. Allô? Donc j'ai une voix pas très féminine. Non, c'est... Bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Passez-moi la standardiste. Bon, mais sérieusement, je voulais vous faire... c'est la première fois que ça m'arrivait. Hein. Je voulais vous faire un bisou, vous avez été très bien. Vous avez été... Carrément, un bisou. J'aurais été moi au téléphone, je m'aurais eu au téléphone, je me serais battu avec moi-même. Ouais, c'est le professionnalisme. Je vais vous faire un gros bisou, je vous embrasse. Merci. Bravo le cabinet courtois. À bientôt. Ouais, merci, au revoir. Je vous embrasse, ils sont très bien. On est vendredi. J'espère que vous passez un bon moment avec tout. C'est bon, ça. On rigole bien. Ah, le ils sont cool ou pas, faut le faire plus souvent. Hein? Vous voulez pas qu'on le fasse un jour avec le 5e étage ici à Énergie, le ils sont cool ou pas? On peut le tenter, j'ai la réponse si vous voulez. La l'accueil. Allez, à tout de suite. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Bite that time.

more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need one dance, got Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un man ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura que we. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. I need one dance, yeah. One more time before I go. Higher powers taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. And now, ladies and gentlemen. Envoyez-nous vos messages coetenergie.com tout le week-end. Vous envoyez ça, on a vos mails, on les récupère, il y en a plein. Je fais un gros bisou à quelqu'un, il y a qui? Il y a Petit Mathéo qui dit salut Coé, est-ce que tu viendras faire une émission à Tours? Et si oui, est-ce que pourra venir te voir Mathéo? Pas prévu Mathéo Tours. On aimerait bien faire des émissions dans toute ouais, la France. Ouais, mais pas d'argent, on nous a dit. Donc, Mathéo, je pense que ça va être un peu compliqué. Par contre, il y aura peut-être un one man à Tours. Donc j'espère qu'on se verra là-bas. Monsieur Coé, nous avons eu l'occasion de nous parler quand je vivais en Thaïlande. Ah. À l'époque, en fait, j'étais pas une fille, j'étais un homme. Vous m'avez pas payé. Malheureusement, un accident de scooter m'a fait me réveiller en France à l'hôpital. Mais non. C'est dangereux le scooter en Thaïlande. Hein. Ah bah je peux le dire, j'ai failli perdre un pied là-bas en Thaïlande. Ah, c'est les mecs qui croisent des camions, qui croisent des bus. Oh, là, et en fait, t'as des cailloux, machin. Enfin, y a rien de sécurisé. Et, ouais, ça, tu mets des casques quand même. Non. Ou non. Le Thaïlandais n'a pas beaucoup de casques. Et quand il te donne un casque, bon. Puis tu montes à 4 sur le scooter, puis t'es en tong et tout. Mais il y a un petit côté, tu te sens. Un rebelle. Et là, après, quand tu tombes, tu te fais mal. Et là, Vincent me dit maintenant, tout va mieux. Je suis de retour chez mes parents entre hier et Toulon et prêt à te réécouter. Bravo et merci pour un tel talent et une telle gentillesse. Bah, et surtout, bravo à toi, parce que le pauvre. Remarque, si t'aimes pas les trajets en avion et que tu flippes, ça calme. Hein. Tu m'étonnes. T'as un accident, tu te réveilles, t'es à Paris. Oh là là. Ça doit faire bizarre, n'empêche. En tout cas, tout va bien pour lui, heureusement. J'ai un cul de bus et j'ai pas vu le voyage. Mais va mieux que vous écoutez avec mon unique oreille. Qui m'ont mis sur le front. Sur le front, avec Cola. C'est-à-dire que je colle ma tête comme ça. Si m'en ont mis une autre sur les fesses, mais du coup, quand je m'assois, bah, j'entends plus. Je suis obligé de me mettre sur les fesses. Pour écouter. Bon, allez, on te fait un gros bisou et on est très content que ça aille bien. Attends, c'est toujours bien. Dès que tu as un accident de scooter ou tu as un accident, un truc, moi je vais te dire, et que c'est pas très grave et que tu peux rentrer à la maison et que t'es pas handicapé à vie ou des choses comme ça, il vaut mieux en rigoler parce que les trucs pourraient toujours être plus graves et la prochaine fois, faut faire gaffe. Qu'est-ce qu'on va s'écouter avant le super jeu, le meilleur de la semaine, le Bacari Alonso. Alonso. Il sera notre invité dans quelques jours, Alonso. Vous allez le kiffer, ce nouveau morceau. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze.

sur Énergie. Le public, vous allez faire quoi ce week-end? Amène-moi le micro au jeune homme. Qu'allez-vous faire ce week-end, jeune homme? Moi, je vais travailler. D'accord. Dans quoi? Tu fais quoi? Je travaille au Crédit Agricole, à Montrouge. D'accord. Mais même le dimanche? Oui. Ah bon? Oh. C'est ouvert le dimanche? Les banques, c'est ouvert le dimanche? Oui, mais c'est les bureaux, en fait. C'est la direction générale. Ah. Ça passe le dimanche? Oui. Wow. C'est pas cool pour ta femme, ça? Comment? C'est pas cool pour ta femme? Non, mais ça, c'est un alibi pour ta femme, justement. Ouais. Et tu vas voir. Célibataire pour moi. Ah, d'accord. Ah. Bon, okay. Depuis quand ça bosse un dimanche au Crédit Agricole? Ouais. Il y a des 24-24, quoi. C'est des roulements. Mais vous faites Crédit quoi Agricole? Tu fais quoi le dimanche? Moi, je suis dans la sécurité. Ah, mais c'est bon. Voilà. La sécurité, donne je disais. Toutes les infos. Parce qu'un banquier qui vient le dimanche, ça va être calme quand même. Ouais. La demoiselle à côté, ça va? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Je vais voir Alonso à Chartres avec mes deux potes. Voilà, ça y est, on y est, mais c'est pour ça qu'elle était fan. Pinta. À côté, mademoiselle, vous allez faire quoi? Du coup, pareil. Oui, je vais aussi voir Alonso. D'accord, très bien. À côté, tu vas aller voir Alonso? Oui, pareil. Okay, très bien. À côté, tu vas aller voir Alonso? Non. Qu'est-ce nous, tu vas en faire? Fait, on vient de Strasbourg. C'est bien ça. Et donc, il y a le Move en scène. Ah oui, c'était un truc où j'allais avant, puis c'est une autre radio, j'y vais plus, ça va être de la merde. Du coup, ça va être de la merde, c'est un truc avec une autre radio, ça va être pourri, ça va être présenté par des tocards. Si c'est pas moi, c'est nul. Non, mais du coup, c'est plus énergie alors. Non, c'est plus énergie, c'est une tu autre vois, radio. Tu aimes bien le côté fair play de Koé. Peut-être que j'irai pas du tout. Non, mais tu as raison, ça va être de la merde. Le savez, cool moi, ou pas, c'est déjà passé. Non, mais c'est comme ça, vous savez, moi, quand c'est pas moi, c'est de la merde. Donc, voilà. À côté, pareil, vous avez bougé derrière le micro, on y va, mademoiselle, vous allez faire quoi ce week-end? Il y a une qui se cache. Mon déménagement. C'est vrai, tu veux qu'on t'aide? Ah ouais. Je déconne. À côté, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais profiter de la piscine des parents. Et ça te ferait chier d'aider la demoiselle qui veut déménager à côté? Ouais. Avec tes épaules, non, là, tu es en vacances, donc il n'y a pas de boulot. Et alors, fais-lui un coup de main, enfin, elle va déménager. Tu déménages un grand appart, mademoiselle? Ouais. Combien? Comment? Il est grand comment, ton appart? Je sais pas, c'est pas moi, c'est mon père qui s'en occupe. Oh là là, ça va, tu vas pas beaucoup bosser alors. Adkin, on aura le temps de faire quoi, Julie, dans un instant? Dans un instant, nous aurons Soprano qui attend là-bas. Ah, on arrive, hé t'inquiète, dans... Là, voilà. Après la pub. Je te donne un timing professionnel. Après, c'est bon, à tout de suite. Les meilleurs hits arrive plus vite sur Énergie qu'ailleurs. Énergie. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le multicuiseur Thomson 5 litres, 8 programmes pour cuire, préparer, rissoler à 49€ chez Leclerc. Du 6 au 17 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le multicuiseur Thomson avec 20€ de réduction. 49 au lieu de 69€, dont 60 centimes d'éco-participation. Un multicuiseur comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Cette semaine, Télérama fête la rentrée culturelle. Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction. En couverture, Marion Cotillard, star de l'automne cinéma. Mais il n'y a pas qu'elle. Dans nos pages, tous les artistes et hommes et femmes de médias grâce auxquels la rentrée culturelle s'annonce vraiment excitante. Télérama, chaque mercredi chez votre marchand de journaux. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon. Pour votre santé, bougez plus. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous? Oula, oui, freinez encore? Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, ne vous inquiétez pas, en ce moment, chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio. On s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Energy Hit Music Only avec Shawn Mendes en concert. Retrouvez le phénomène Shawn Mendes pour un concert événement le 24 mai à l'Accor Hotel Arena à Paris. Prévente exclusive mercredi 14 septembre sur gdp.fr. Infos et réservations energy.fr, gdp.fr et points de vente habituels. Shawn Mendes en concert, un événement Energy. Le jour où tout a basculé, du lundi au vendredi à 13h30 sur Chérie 25. Je voulais le tuer. Vous êtes planté ? Arrêtez quoi ? J'ai été dénoncée par ma propre mère. Mais pourquoi tu m'as fait ça, hein ? Pourquoi ? Quand la fiction rejoint la réalité, le jour où tout a basculé, du lundi au vendredi à 13h30 sur Chérie 25. Leclerc. Ouais, vive la rentrée ! 40% de réduction immédiate chez Leclerc ! Enfin Philippe, c'est quoi tout ce refus ? Ah bah 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc, et sur de nombreux produits. Des rentrées comme ça, moi j'adore. Ah bah dis donc ! Est-ce que quelqu'un aurait envie de quelque chose ? Je vais faire un saut chez Leclerc ! C'est parce qu'à la rentrée, on a encore envie de se faire plaisir que chez Leclerc, du 6 au 17 septembre, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate sur de nombreux produits. 20 modalités dans les magasins participants. Ah c'est vrai que 40% ! Voilà ! Vive la rentrée chez Leclerc ! Shakira, il y aura Soprano qui sera notre invité dans un instant. Et puis alors, on apprend, il est tard, je peux en parler ou pas? Ça va, c'est bien. Il y a des chercheurs, parce que j'adore les chercheurs qui cherchent. C'est génial, c'est mes chercheurs. Moi, ce qu'il faudrait créer comme métier, c'est trouveur. C'est des mecs qui sont là, ils disent qu'est-ce que vous avez fait? J'ai trouvé. Alors ces mecs, tu lui dis, vous avez fait quoi? J'ai cherché. Ah non, je suis pas trouveur, je suis chercheur. Ça n'a rien à voir. Des chercheurs ont pu trouver qu'en position dite du missionnaire. Tout le monde voit ce que c'est la position du missionnaire? C'est papa sur maman. Mademoiselle dans le fond qui dit. Oh oui, c'est oh là surtout là. La petite fille qui dit au fond. Non, mais c'est pas. Il y a une jeune fille dans le fond à droite, elle m'a dit oh là là, oui, je vois. Malheureusement, oui. Oh, malheureusement, je ne crois qu'à ça. Voilà. Passe le micro tout à droite derrière. La jeune fille blonde, tout de suite, hein, je l'ai vue. Hein. Quand il y a des gens qui cherchaient encore, elle a fait oui, tout de suite, je vois. C'est quoi ton prénom? Camille. Camille, t'as quel âge? 30 bientôt. Tu les fais pas. Merci, c'est gentil. Quand j'ai dit missionnaire, j'ai vu que c'était pas celle qui t'emballait le plus. Hein, c'est pas fou, hein. Ouais. Ça, c'est la position du mercredi soir, ça. Tout à fait. C'est la position du milieu de semaine où tu sens. Mais c'est la position de papa et maman. Il y en a un des deux qui a envie de faire l'amour. Je dis, hey, tu peux regarder encore un peu la télé en le faisant quand t'es un mec. Tu vois, t'as. Le mieux étant la levrette que je conseille. Pour mater la télé, parce que c'est toi, génial. Tu peux mater la télé, ta femme aussi, et personne voit que l'autre regarde la télé. C'est vrai. C'est vrai, c'est la position préférée. T'aimes bien, ouais, j'adore, mais il y a les pubs bientôt. Mais non, moi, ce que je fais, t'aimes bien. Ouais. C'est vrai, alors non, que en des plus, fois, tu peux poser le plateau repas dessus, en plus. Et je suis sûre que toi, tu la bloques. La pire des positions, c'est quand ta nana, elle est sur toi, parce qu'elle a les yeux dans les tiens. Si t'as le malheur de bouger un peu la tête pour regarder la télé derrière, elle le voit. Elle le voit, elle fait qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je. Voilà. Bon, et ben, en tout cas, des chercheurs ont dit que la position du missionnaire, écoutez-moi bien. Vas-y. Un coude apparaît dans le premier tiers du pénis inséré dans le vagin. Quoi ? Le membre adopterait ainsi un angle de 120 degrés. Et là, seuls ceux qui sont allés au-dessus de la cinquième comprennent ce que je dis. Les autres ne voient pas ce que ça représente. En fait, en fonction de la position sexuelle, le zizi de l'homme prend une forme différente. Et bien, en gros, pendant le missionnaire, le zizi prendrait une forme de boomerang. Ouais. Parce que 120 degrés, c'est l'équivalent d'un angle de boomerang. Ça fait peur, en fait. Ouais. Quand c'est penses, ouf, non ? Moi, la question que je me pose, c'est comment ils ont pu la voir, cette forme, parce que c'est censé être dedans. Ah, pour filmer dedans ? Comment tu filmes dedans ? Ah ouais, c'est chaud, ça. C'est un Facebook Live Inside. C'est les mecs qui sont... Julie, Facebook Live Inside à 22h, d'accord ? Ça va aller, non ? Ça va être bien. Soprano, dans quelques minutes après, Shakira ! Oui ! C'est le nouveau ? La bicicletta. Ça s'appelle la bicicletta ? Ouais. C'est ridicule. Allez, la bicicletta. Heridas del pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe. desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies de calzo como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola. Le gusta que la miren cuando ella en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día le muestras en Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Ce soir. Chez Koei sur Énergie. Il est là, mon ami. Soprano. Après le carton de Cosmopolitani, le nouvel album va sortir le 14 octobre. On va s'appeler L'Everest. Ah, il y a déjà deux trucs qui cartonnent. Moi, je l'adore. J'adore les deux morceaux. Je les adore. Ah, merci beaucoup. Mon pote, c'est énorme. Ils sont énormes. Hein. Ah, merci, merci. Ah, l'autre, il est un peu plus sérieux. L'autre, il est là pour faire la fête. Ah non, mais ils sont énormes. Il y aura quoi dans cet album? Ben, les deux, justement, du sérieux, de la fête. Il y aura de tout. Il y aura de tout. Il y aura pour tous les genres aussi. Il y a du sérieux. Il y a des trucs un peu plus touchants. Il y a des trucs un peu plus rentre dedans. Il y a beaucoup de fêtes, c'est vrai. Il y a des surprises que je peux pas dire. Et voilà, il y a un peu de tout. Et alors Bercy, premier Bercy de Sopra le 30 septembre, j'ai envie de dire bravo. Ah ouais, ah ouais. Bravo. Merci. J'y serai. Accor Hôtel, Arena. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes à Accor Hôtel, c'est vrai, tu as besoin de préciser. Mais chambre la deuxième 27. Date aussi est très importante. Ah, attends, de Stade Vélodrome le 7 septembre, ça c'est pour Pietre ça. Voilà, je suis interdit de séjour là-bas. Tu vas faire la première partie au Vélodrome. T'inquiète pas, on te mettra un maillot de l'OM et tout. Il n'y a personne qui te voit. 30 septembre, je serai là. Je serai là. Mais Vélodrome, on verra si on peut. Mais le Stade Vélodrome, t'imagines un peu? Combien de gens? 60. 60, ça fait pas beaucoup. 60 personnes. 60 000. Ah, c'est un truc de fou. Ça va être un truc de fou, n'empêche. T'as la maison là-bas. Mon premier clip, je l'ai fait là-bas. J'avais fait un clip, j'avais pris les clés de Pape Diouf à l'époque, il était président. Il n'y avait personne au stade. Là, cette fois, je vais faire un concert. C'est un truc de fou. Mais putain, vous ne voulez pas qu'on envoie vraiment Pietre? Non. Ah si. Non, ah, ça peut être une belle idée. Devant 60 000 Marseillais. Non, non. Ah, si. Et là, il arrête tout et tu as fait quelques secondes de Paris. D'un coup, les castrés, d'un coup. Et là, on les voit si t'as des cocognettes. Je suis pas sûr que ce soit l'évade. Dans Marseille, maintenant, oui, je pense, au stade, c'est chaud. Franchement, honnêtement, c'est chaud. Soprano est notre invité. Il y en a des morceaux. Hein. Que des tubes. Si tu danses à la Carlton. Si tu m'aimes, rends-moi millionnaire. Nous faire le pain. On les connaît toutes, hein. Laisse-nous faire le feuille. Montre-moi comme tu es. Ce soir est un jour de paix. Ah, ils m'ont tous saoulé. Ils nous connaissent pas. Soprano est avec nous ce soir. On a plein de gens qui veulent te faire un bisou. On a Kevin, il a 15 ans, il est chez lui à la maison. Ça va, Kevin? Ouais, ça va bien, vous l'équipe. Salut mon gars, Sopra, Kevin, Sopra, bienvenue. Salut Kevin, nous. Comment tu vas? Bah, ça va très bien et toi? Ça va, impeccable, tranquillement. Pose ta question. Voilà, même. C'est tout ce qu'il voulait savoir. Merci, alors, ma question, c'était à savoir, en fait, bon, dans tous tes morceaux, pratiquement, tu donnes de l'ambiance, t'es à fond, tu donnes la pêche et tout. Et en fait, est-ce que t'aimes bien donner ça aux fans? Est-ce que t'aimes bien donner de l'amour à tes fans? Est-ce que t'aimes bien ça? Oui, surtout en concert. En concert, j'aime beaucoup m'amuser, j'aime bien que les gens s'éclatent. C'est, par exemple, dès que je vois, même si c'est un peu chaud, je vois un peu les gens bouger un peu doucement, eh ben, c'est pas bon pour moi. Il faut que tout le monde saute. Faut pas qu'ils bougent doucement. Non, il faut qu'ils bougent très fort, il faut qu'ils sautent, il faut qu'ils. Si les filles sont venues en talons, leur talon, il faut qu'ils soient cassés. Il faut que les gens ils se régalent, il faut qu'ils ressortent, ils se disent mais c'est quoi que j'ai fait, c'est quoi que j'ai passé comme soirée. Il faut qu'ils soient contents. Moi, merci, c'est mon truc. Merci, je serai là, je te jure, ça va déchirer. Ils vont tous retourner. En plus, si tu fais du sport, donc c'est bon, tu vas pouvoir sauter tout. C'est pour ça qu'ils s'entraînent. Hein. C'est uniquement pour ça que je l'ai fait, c'est pour pouvoir sauter pendant 2 heures. Salut Kevin, je t'en prie. Ouais. À bientôt. Gaël. Salut, à la prochaine. Salut ma Gaëlle, comment ça va? Ça va et vous? Oui ma chérie, t'es en forme, t'habites où? Ça va, j'habite en Charente. Allez, à quel endroit? À Etagnac, en Haute-Vienne, presque. À la limite de la Charente et de la Haute-Vienne. Salut, ça va bien Gaëlle? Ça va et toi? Ça va impeccable, merci. J'ai une question, c'est comment t'as eu l'idée de d'écrire ta chanson en feu? T'as eu un problème ou quoi? Non. J'ai pris une Vésuvio, un peu trop pimentée. Bon. En fait, c'était une expression qu'on a chez nous quand il y a quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait ou qui est chaud bouillant. On dit oh il est en feu lui, oh il est en feu. Et en fait, quand je me suis dit ben je vais en faire un morceau. C'est pour ça que j'ai dit comme Zinedine Zidane en Coupe du Monde au Brésil, parce que quand il était au Brésil, ben il faisait des trucs de fou. Il était en feu quoi. Il réussissait tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il faisait. Voilà. Ok. Voilà, et dis-moi, oui. je te remercie pour ta chanson en clown, hein, parce que ma fille de 3 ans apprend du baby bell, elle se met sur le nez maintenant. Ah, mais tu me fais plein de bises pour moi. Et tu nourris déjà ta fille au baby bell. Tu nourris ta fille au baby bell, tu sais qu'il faut y aller doucement. C'est bon le baby bell. Mais non, mais elle aime bien le baby bell. Et mon fils de 6 ans, il dit oh, regarde, il y a tonton à la télé en parlant de Soprano. Ah ouais, c'est tonton. Cool. Ah, tu fais partie de la famille, quand même. Tu feras des bises. C'est garçon ou une fille? Bah, j'ai deux garçons et une fille. Ben, tu feras des gros bisous à mes neveux. Tant que c'est pas, regarde, c'est papa. À bientôt, Gaël. Je t'embrasse, quoi, chérie. Non, quand même pas. Et pas okay, trop bisous. De Babybel à la petite, hein, sinon elle va rouler comme un Babybel. Hein. Je te dis, vas-y doucement sur le Babybel. Hein. Je t'embrasse. Non, si, c'est le Babybel, attends. Oui, de temps en temps. À mon avis, ça fait longtemps que ça n'a pas vu de l'élevage. Non, hein, mais ça n'a pas vu de l'élevage. Non, c'est que du pétrole dedans, en plastique. Quoi. Ouais. C'est des bouteilles en plastique recyclées, ils font du Babybel. J'ai juste envie de dire à l'équipe, là, on va se faire un titre, on se fait lequel en premier? Prada. Ouais. De Diab Sabi Plein Prada. M'arrange pas ça. Parce que je voulais qu'on fasse un. Ah ouais, on peut faire le nouveau, hein, pour vous. Ah, si tu veux. On fait le nouveau. Ah, d'accord, tout à l'heure, on m'a dit ça, mais ça. On va faire le nouveau, si ça vous dérange pas. Parce que pour mon équipe, je vais juste vous dire un truc. Écoutez bien la chanson. D'accord. D'accord. Okay. Écoutez-la bien, parce que dans un instant, nous aurons rendez-vous sur le titre de Soprano. Donc je vous dis juste. Mais pour qu'on l'écoute bien, il faut qu'il la fasse bien aussi. Alors voilà, ah ça, oui, c'est la première fois que je l'ai fait. C'était mon deuxième conseil. Alors Soprano. Je suis obligé d'expliquer parce qu'il y a une malédiction dans cette émission. À chaque fois que je fais cette émission, à chaque fois, Pietre m'envoie des ondes négatives. Jamais de la vie. Donc, et chaque fois, je bafouille. Tu sais que. Tu as des exemples, s'il te plaît, tu peux en mettre. Mais oui. Il faut quand même que je te dise un truc. Tu sais que ta compile. Elle est énorme. Elle grandit à chaque fois. Elle va grandir aujourd'hui à moi. La compile du et bug. Et il a fait écouter à tout le monde. La compile du bug qui commence par. Est-ce que vous êtes à la fête à la noix? Vous voulez faire la fête à la noix? Ou est-ce que vous voulez faire la fête à la noix? Est-ce que vous voulez faire c'était la fête? C'était où ça? Ah bah, si. C'est... Ah oui, si j'ai dit ça. Vous voulez faire la fête à la noix? Ah, c'est pour dire avec moi. Ouais, ouais, je pense, ouais. Vous aussi, vous êtes là pour faire la fête à la noix? Avec moi. Ouais, bah non. Allez, par les émotions. On se la refait histoire de se mettre dedans. Vous aussi, vous êtes là pour faire la fête à la noix? Les 205, les roquettes, les autres. T'es où sont les. Mais tu sais, c'est quoi? Ça prouve un truc. Peu de vie de terre. Celle-là était belle. Je passe. C'était où ça? Ici avec Matt. Vos regards ne sont plus les mêmes. Ton mon ami m'a dit que j'avais un couteau dans le dos. On aime ça. Une belle nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance. Ça veut dire que tu es pris dans les trucs. Ça nous plaît, nous. C'est con, tu enregistres. T'imagines, il n'y a qu'avec vous, c'est un truc de fou quand même. Tu sais que c'est vaut mieux que ce soit avec nous. C'est que c'est la première fois qu'il va la faire en live. Donc, d'abord, c'est un honneur, ça nous fait plaisir. Bien sûr, tu veux pas les paroles, tu peux. Il n'y a pas de souci. On va rigoler. Tu nous dis, et dans tous les cas, comme ça, au moins, vous en avez une nouvelle. Mais oui. Attends, alors, peut-être c'est tout un couplet. Dis-toi. C'est peut-être historique. Dis-toi que Pietre va faire comme d'hab. Il va se retourner. Je vais te regarder. Il va croiser les bras. Les chétanes. Et ne croise pas son regard. Voilà. Si t'as bien mis tout en place, camarade. Allez, vas-y, on va s'amuser. Le nouveau titre de Soprano. Nanananana. Vas-y, on y va. On se le fait tout de suite. C'est bon, on y va. Allez, les gars, vous avez mis le bon. On a interverti les deux. On se fera le Diable s'habille en Prada tout à l'heure pour se dire au revoir. J'ai pas arrêté d'en bouffer tout l'été du Diable s'habille. Ouais, c'est vrai. Ah mais j'aime bien. Mais elle est bien, il est bien. Il y avait une chaîne de sport là, la salle de sport où j'étais, il y avait une chaîne, c'était comment ça s'appelle, Trace. J'ai eu le Diable s'habille en Prada tous les matins. Le clip, je le connais par cœur. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de payer pour qu'il me, en cas si je me trompe dans mon public. Mais non, ils vont avoir ça, bon public, ils vont être bien. Du bruit pour Soprano. Est-ce que vous êtes là? Je suis chaud. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en ce soir, tout me sourit, même Monica Bellucci. Je suis en j'ai sorti le gros gamin ce soir, je suis prince de la ville. Je suis en j'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en ce soir, je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Je suis en le sol le s'allume, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en le DJ me fait une passée, boum, dans la nuque. Je suis en sors de la piste, je fais le grand écart de Van Damme. Je suis en je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, vous regardez d'un hublot. Est-ce que vous êtes là? Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud. J'ai pas entendu, est-ce que vous êtes chaud? Équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. J'suis ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stéphane Curry. J'suis je sors de deux heures de sport, amène-moi Teddy Riner. Comme ce grand blondinet énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Missy. Comme est-ce que vous êtes toujours là? Je me trompe. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. De regarder d'un hublot, si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu, ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Je suis chaud, ça sent le brûlé, ça sent le brûlé, appelle les pompiers. Je suis chaud, ça sent le brûlé, ça sent le brûlé, appelle les pompiers. Je suis chaud, ça sent le brûlé, ça sent le brûlé, appelle les pompiers. Je suis chaud. Je sens que je vais prier, ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Si tu me parles, fais un feu. Si tu me touches, fais un feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Oh, je suis en feu. Est-ce que vous êtes toujours là? Oh yeah. Merci les amis, tout à l'heure on se refera le titre, tout à l'heure on se fera le Diable s'habille en Prada. S'habille plus, trop cher, ça crie, on se le fera tout à l'heure, viens avec. Diego il s'est coupé les cheveux, hein. Il a boule à zéro maintenant. Ça allait pas bien. Bon, viens ici. C'est bizarre. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pas d'erreur? Pas d'erreur. De petite. Pas d'erreur. Attends, faut leur demander. Est-ce qu'il y avait des erreurs? Ouais, il y en avait une. Hein. Ah, ah. Non mais attendez, mais viens, mais, non. Mais attendez les amis, excusez-moi. On prend les enveloppes. Attendez les amis, on est en train de se poser la. Attendez, on se dit un truc là, c'est le débrief là. On vient de faire une Coupe du Monde. Non, il n'y a pas eu d'erreur. On fait un petit débrief, on est entre nous, on a le droit de débriefer, les plus grands joueurs débriefent. Il n'y a pas eu. Nickel. Non, il n'y a pas eu. Nickel. Sopra. Appuie sur le bouton. On a rien. Je veux savoir à quel moment je me suis moqué. Bah, c'est bizarre parce que moi j'ai les phrases et il en manque une. Il y en a une qui était pas là. Il y en a une qui était pas là. Ils sont passés alors, où les trois petits à 6h du mat sur mon lit? Alors, parce que voilà. J'avoue qu'on m'a crié dessus à la maison. Alors nous lançons le jeu, d'où quelle est la phrase? Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Eh, on est dur, on a pris les paroles. On va essayer, elle bouge pas. Comme la sœur des Beyoncé dans l'ascenseur avec. Vas-y. Je suis en feu. Comme. Est-ce que vous êtes toujours là? Je me tromperai pas. Mais oui. Il y avait un autre passage aussi. J'ai grillé le premier hublot aussi. Pour le coup. Hublot, je l'ai pas dit. Ouais, il y en a un que t'as galéré, tu t'es rattrapé. Ça va. Vous avez bien écouté les paroles, l'équipe? À peu près. Bah ouais, on avait les paroles, mais. Nouvel arrivage déjà. Comment? Nouveau bug. J'ai l'impression de planer. Vous regardez d'un hublot, est-ce que vous êtes là? Si on commence à chipoter. Lui c'est bon, il est dans ma liste rouge. Bon mon pote, écoutez-moi bien l'équipe, parce que c'est bien joli de dire il a oublié des trucs. Ouais. Vous l'avez bossé la chanson? Non. Écoutez-moi bien. Je vais la faire chacun votre tour. Dès que je coupe. On fait le refrain. Bah comment? Ah bah non. Bah les gars, on va pas faire les couplets. Je suis super dur, je suis chaud. Bah non. Oh, ça va, c'est pas trop compliqué ça. Dès que je la coupe, si jamais vous n'arrivez pas à vous placer à bien faire la suite, vous aurez le droit de manger. Oh, petit piment. Ah, on va être malade. Et j'ai cru que c'était du Babybel quand tu as mangé. Mais là, quand vous le mangerez, ça fera je suis en feu. C'est les plus petits, c'est les violences. Non, mais les gars, on va mourir là. On va commencer par Guéguette. Non, mais moi, j'ai pas le droit de manger. Bien. Guéguette, c'est un rappeur. Arrêtez de dire ça. Il va rater Hublot. C'est sûr. Je suis chaud. Tu baisses, tu coupes pas. Hein. Je suis chaud. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir, tout le monde sourit, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le gros gamo ce soir, je suis le prince de la ville. Je suis en feu. C'est bien, c'est bien, arrête de frimer, c'est bien. Attends. Merci. Il faut que tu baisses en fait. Il faut monter le son. Julie, là c'était pour démarrer parce que lui, je savais qu'il allait le faire. Maintenant, on va passer à toi. Ce qu'on va faire, c'est que quand je te fais ça, tu baisses. Et quand je te fais ça, tu remontes voir si elle est dedans. Mais pourquoi lui alors que c'est lui qui s'en sort le déjà j'ai un mot du docteur. Parce que lui il allait le faire bien. Mais moi aussi j'ai un mot du docteur. Ah tiens, anticipe le truc, Je suis chaud. J'ai pas obligé de faire les chiots. Je suis chaud. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis chaud. Ce soir tout le monde sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamo ce soir, je suis prêt à vivre. Je suis en feu. J'ai mis les plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Heureusement qu'on a pas fait la trace d'avance. Pas mal. Non, ça va. Pas mal. Putain. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gémo, ce soir je suis le prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Comment? Il a pas dit les chiens en feu. Ah bah tu vas les lire maintenant, tiens. Il a pas dit les chiens en feu. Il y a pas toutes les paroles. Ça veut dire t'as eu le droit de respirer. Ouais, t'as décidé de baiser en fait. La concentration et tout quand même. Hein. Il a eu la concentration. Allez. T'as pas dit les chiens en feu. Non, on mange bien, Pietre, on le mange. Oh putain, il a l'air direct. D'habitude, Pietre, je te dis la vérité. D'habitude, je te défends pas. Oh, t'es en feu là ou merde. Je crois que je suis très fort, les gars. Je te dis la vérité, celui-là, t'es en train de morfler pour Ouais, je crois que celui-là, il est très très fort. Celui-là, il a l'air d'être très bien. Ce soir, il y a Pietre qui est en feu. Et puis ce soir, il y a Pietre qui est en feu. Viens ici. Stouf, c'est notre standard. Ça débouche. Stouf à chaque fois. Stouffy. Attention, Stouf, tu joues pour ce très très beau. Eh, ça tombe chaque fois sur elle. Eh oui. Miskin. Allez, Stouf. J'ai pas les paroles. Mets le casque. Oui, tiens. Voilà les paroles. D'accord. Allez, Mathieu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaude. Je suis chaude, je suis chaude. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir, tout me sourit, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le programme. Ce soir, je suis prince de la vie. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus. Appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir, je suis intouchable. Je danse comme un. Hey, hey. Allez, c'est décalé. Allez. Oh mais non, tout entier, mais t'es malade. Mais t'es malade. Vas-y, ah ouais. Crache-le. Je sens non, non, tiens, ah ouais. Tu pourras souffler dans mon scooter tout à l'heure pour que je reparte. Ah, je l'ai senti, mais j'ai eu mal à la tête. Crache, t'as vu le gros coup que t'as pris. Non, non, croque, c'est marrant. Croque. Parce qu'il faut que tu libères la saveur, l'onctuosité. Non, mais ah ouais, qu'elle a tout le plaisir. Je sens d'ici là le piment là. Croque, t'as pas croqué. Parce que là, c'est posé sur la langue. Et il y a Pietre qui est en train de mourir depuis tout à l'heure. Allez, on y va. Ah ouais, Pietre. Oh là là. Mais Pietre, il pleure. Allez, y va. Mais croque, tu croques non, pas. Non, mais arrête, elle veut pas. Elle va mourir, la coco. Mika maintenant. Mika. Oh, non, mais... Mika, nous jouons pour... Eh, ça pique les yeux. Oh, non. Oh là là là là là. Eh, ça pique pas les yeux. Oh. Ouais, Mika. Ouais, Mika. Deux piments. Et puis alors là, c'est... Deux piments. Il a rendez-vous avec son top modèle, là, déjà. Tu vois. Avec des hémorroïdes, ça va être moins sympa, le repas. Elle l'embrasse pas après, parce que ça va la brûler. Remets pas. Ah non. Et après, à moitié. Non, mais attendez, Stouff, elle vomit. Même pas de vanne. Stouff, ça va pas non plus. Je pleure. Oh, bah c'est normal, c'est l'émotion. Elle, allez. Mais moi, je pleure. Rien que ce soir, je suis en feu. C'est rouge. Hein. Nous perdons. Je te jure, je l'ai fait. J'ai raté mon mais c'est 5 minutes, hein. Après, là, ça va mieux déjà. Là. Mais pendant 5 minutes, c'est la mort. Vous voulez qu'on appelle les pompiers ou pas, les gars? Appelle les pompiers. Oh bon, votre coco. Je fais comment après? Non, je peux pas. C'est 5 minutes. Hop là, bonhomme, c'est un petit bout. Mais non, mais arrête, bonhomme, la tâche de presse, c'est rien, ça. On en mange 50 par jour. Un petit bout. C'est eux qui te suivent. Je ne veux pas. Prends donc un petit bout de petit bout. Tu manges le kissé? Regarde, il a rien. Il vient de dire non. Il a rien. Regarde, tu manges épicé d'habitude ou pas? Eh oui, c'est pour ça que si je me lève. Il a l'habitude là. C'est que dalle, il se sacrifie. Oh, il se sacrifie pour moi. Je passe, tu as le droit. Tu as des rendez-vous importants, je veux me sacrifier. Ça, c'est un ami, hein, dis donc. Oh, hey, franchement. Franchement. Bon, on est en train de perdre Koé, Mais monsieur est foutu. Donnez-lui du pain, les gars, du pain. Blague. C'est rien. Je sais que c'est rien, c'est pour ça que je le fais pour lui. Mais ça se trouve, ils ont l'habitude de manger. Agro, à côté de Coco. Je le fais pour toi. Fais-moi confiance. Mais d'un autre côté, si t'es un bonhomme, tu le fais toi. Ouais, si t'es un vrai bonhomme. Il le fait. Oh non, ouais. non, il a goûté. Il teste. T'as mis le bout là, on s'est pas vu. Ouais, c'est très rapide. Allez, non, bonhomme. C'est horrible, les gars. C'est rien. Ah, il a mangé tous les jours au matin. Tous les matins. Petit neige. Ah, mon coco, t'as une tête. Oh là là. Oh là là. Il y en a plus. Mais tu l'as avalé direct. Ouais, il a bouffé. Ah, allez, ouais. C'est avec nous. Pour l'instant, je tiens. Mais Martin, ça brûle un peu. C'est la pub. Non, mais attends, il est tranquille. Fais quelque chose, mais fais quelque chose. Pas d'eau, attention, oh là là. Prends un yaourt, du lait. T'as une tête, mon coco. Je vais te tenir. Au revoir, parce qu'il parlera plus, là. Vas-y, on se retrouve juste après. Vous serez les premiers à avoir le téléphone que tout le monde veut. Le nouvel iPhone, l'iPhone 7. Vous gagnez en plus un MacBook Air. C'est le pack Energy Apple. Dès que vous entendez le double hit. Hey, this is DJ Snake. Avec Justin Bieber. Et DJ Snake à la suite. Soyez les premiers à appeler. NRJ 3937. Et vous gagnez le pack Energy Apple. Avec l'iPhone 7 et le MacBook Air. Energy. Numéro 1 sur les hits. Pop, R&B, dance. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné.

Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go. Clap your hands. Le temps qu'on... Ah, vous êtes pas bien là, à chaque fois que je bois de l'eau, on me dit pas d'eau. Quand je bois de la mie, on me dit pas de mie. Je vais crever. A tout de suite sur Énergie, après Jonas Blue. On y va. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. The secret tomorrow will hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Sopra, ça a été, on est bien, on est pas bien, hein. J'avoue, j'ai les lèvres qui brûlent. Ah la vache. Je suis pas très bien, ouais. Par contre, il y en a un de ton équipe, il m'a regardé. Oui, il fait le malin, mais il est au yaourt et au pain, quand même. Ouais, tu brûles dedans, hein, dedans toi. Hein. Ça va, Koué, ou pas? Ah, ouais. Attends, moi, ça va très bien. Moi, ça va très très bien. Oh, les mecs, oh là là là là là là là. Je sais pas, je vous sens tous mal. Ah, j'avoue qu'il y en a, ils sont sûrs. Le 30 septembre, Sopra Bercy, enfin, vous à l'Accor Arena Hotel. L'Accor Arena Hotel et au Stade Vélodrome le 7 septembre. Le premier Vélodrome de Sopra. Dans un instant, on se fera le Diable s'habille plus en Prada. On fait un bisou à Belinda. Belinda ? Salut l'équipe, salut. Allez, on se la fait. Tu as les yeux de quelle couleur ? Marron. Elle a les yeux marron, Belinda. On va faire un chapeau. Bah oui, mais salut Belinda, ça va ? Ça va, ça va. Oh mon dieu, soprano, c'est soprano. Ça, ça va. Mais c'est là, on est tous un peu. En feu. On est tous un peu pimentés, là. On vient de manger du piment. Oh là là. Oh là là là. C'est, on est tous. Tu vois Koé, là, on dirait qu'il va. Il mourut. Voilà. C'est vrai que t'es pas bien, là. Transpirer tout. Excuse-moi, vas-y, excuse-moi, tu voulais me poser une question. En fait, je voulais savoir si après une longue pause, c'était pas difficile de repartir en tournée et de laisser ta famille. Oui, c'est toujours difficile. Ah. C'est toujours difficile. Là, justement, là, c'est aujourd'hui que j'ai repris un peu la promo. J'étais avec les miens. T'as droit à la gueule, donc. Donc, ça fait que. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile, mais c'est, ça va. C'est pour leur bien et en plus, je les vois souvent quand même. D'accord. Bah, continue ce que tu fais, en tout cas, c'est super. J'espère nous rencontrer. Voilà. Mais, est-ce que tu vas venir ? T'habites où ? J'habite à côté de Poitiers. Ah oui. On est pas vraiment au Vélodrome, on n'est pas vraiment à Bercy. Mais je crois, t'as pas les dates. Mais pourtant, il y a plein de dates. Ah, peut-être qu'on est à Poitiers. Laissez-moi du temps. Laissez-moi chercher, monsieur. Ah, peut-être dans les dates de la tournée. Ah, peut-être j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Ah. Pas de Poitiers. Hein. Il y a peut-être à côté. Il y a pas à côté non plus. J'ai du Bordeaux, Toulouse, Pau, Lyon, Rouen, Caen, Rennes, Angers. Angers, ouais, c'est veut. Pas très loin. Angers, c'est le 26 mars. J'ai du Saint-Étienne. Bah, Saint-Étienne, quand on veut. C'est sûr. Ah, mais c'est cool. Limoges, Orléans, Épernay, Dijon, Nantes, Clermont-Ferrand, Montbéliard, Genève, Grenoble, Bruxelles, Le Mans, Le Havre, Lorient, Brest, Agen, Boulazac, le fameux. Angoulême, Nancy, Beauvais, Douai, Saint-Omer, Albertville, Mâcon, Aurillac et Paris et tout. Ah, c'est bien. C'est toute la France en fait là. Ah, c'est bien. Yes. Suisse. Et après, on termine. Ouais, j'espère. En mais attends. C'est le 30 septembre de quand ? À 2017 ? Ah oui. Ah merde, j'ai pas fin du mois, je commence à checker mon agenda moi. Mais non, tranquille. C'est... Ah c'est pas fin du mois. Et vous m'auriez rien dit le 30 avant. Septembre, j'étais mort. Hein. Bon, alors, c'est la soprano. C'est la soprano. Ah mais je rigole à peine, hein. J'aurais été devant, j'aurais dit c'est bizarre, ils sont tous rentrés. Non, c'est vrai que tu t'aurais fait un peu remarquer quand même. Ah merde, je savais pas. Bon bah voilà, Belinda, je te fais un gros bisou, ma chérie, je t'embrasse. D'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir un autographe pour mon petit frère, s'il vous plaît ? Oui, on va en faire plein. Et puis on va te l'envoyer. Je te fais un bisou, Dylan. Lan. Ça va ? Oui, vous ? Ouais, je te présente Sopra. Salut, Dylan. Lan. Salut, Sopra. Ça va bien ? Oui, vous. À chaque fois. Nous, on a un peu les lèvres un peu brûlées. Koé, il fait des efforts extraordinaires pour parler. Et moi, pareil, mais ça va. Et toi, tu voulais me poser, poser une question ? Il parle plus. Oui, je voudrais savoir, et je sais qu'on te la pose souvent, cette question. Oui, dis-moi. Et je voudrais savoir si tu vas refaire la psy. La quoi ? La psychiatre. La psychiatre de la rime. Ah, ben on se voit tous les jours. Il y a des petites surprises qui arrivent bientôt. Mais voilà, on est là tous les jours. On est tous les jours ensemble, on est dans la même maison de disques, dans la même boîte, on est dans la même société, on fait toutes les choses ensemble. Et en plus, il y a un truc, c'est vrai que les gens ils font pas gaffe, mais on est cousins. Donc je vois les enfants de tout le monde, ils voient mes enfants, on est toujours ensemble. Voilà. Mais ils font quoi ? Parce que ils ont fait d'autres choses. Ben, Alonso, il ben, y a Binta qui tourne à la radio ici. Et Alonso ? Voilà. Oui. Pourquoi ça rigole ? Ah, il s'est passé quelque chose là-bas ? Je suis pas fan du morceau. Ah oui, qu'il aimait pas. Ah moi, il y a Binta déjà, c'est bien, il y a ça, il y a tout sur l'album. Ah mais tu as les goûts de tout le monde. Pas voilà. Aimer, comme moi. Fan de. Ah, regarde, c'est... Julie, elle aime pas Jules par exemple. Elle dit qu'il sait pas chanter. Chacun son truc. Et donc, alors que nous, on kiffe. Mais ouais. Voilà, elle dit qu'elle va se faire défoncer. Elle va se faire défoncer, c'est tout. Non, j'ai pas dit on ça. A essayé de lui expliquer que quand on met un autotune, ça veut pas dire qu'on ne sait pas chanter. C'est ça pour le style. Voilà. Maintenant, beaucoup de gens. Mais il sait pas chanter. Ça a sauvé beaucoup de gens quand même. Ça, on le sait. Mais il sait pas chanter. Mais dis pas ça. Mais c'est pour le style. Les mecs, ils commencent alors, à faire. Alors, je t'explique pourquoi il est venu faire ça. Tu vas te faire écraser, il y a un mec qui va sortir. Mais non, j'ai pas. Attends, je précise une petite anecdote. Pourquoi la personne est venue à côté de toi pour faire ça? Parce que c'est lui qui fait tous ses clips. Ah, d'accord. Il va envoyer un petit texto. Tu lui envoies un petit texto? T'es dans la merde, Julie. Tu dis, voilà, elle s'appelle Julie. Tout va très vite. Voilà. Et elle a dit que tu ne savais pas chanter. Ouais, mais non, mais on t'a déjà expliqué. Non, mais pour revenir sur les psychiatres, ben, Alonso, il a sorti son album là qui marche très bien, qui est platine là. Il y a Vince qui est avec nous tout le temps. Il a monté un magasin sur Aix-en-Provence. Il vend plein de marque d'habits et tout ça, il est toujours avec nous. Et pour les gens qui ne savaient pas, ben Vince, des psychiatres de la rime, c'est lui qui est dans mon morceau Fresh Prince, c'est lui qui fait hey, tu vois, qui fait, comment il s'appelle déjà, Oncle Phil sur le morceau de Jeffrey. Ah oui, ah. Voilà. Donc voilà, les psychiatres, on est toujours ensemble. Voilà mon Dylan, je te fais un bisou. D'accord. Allez, voilà. On passe le plus de gens possible, on se fera le Diable s'habille en Prada dans un instant. Marion, Marion. Ouais. Ça va, chérie? Ouais. Salut Marion. Salut Sopra. Ça va bien? Ça va? Oui, ça va impeccable. Ça va et toi? Oui, ça va impeccable. Ça pique encore, hein. Ouais, moi aussi j'ai les lèvres. Ah ouais, mais ça pique encore. Je pense que là, on y va. Allez, c'est parti. Voilà, tu peux le chanter, je suis en feu. Ah ouais, c'est allez, justement, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On n'a pas récupéré Mika. Hein. Ah. Il est à droite. Regarde, il est plié en deux. Allez, vas-y, Marion, à toi. Bah justement, tout à l'heure, vous avez parlé de surprises, et du coup, j'aurais aimé savoir quelles étaient les surprises de Bercy, parce qu'on va y aller toute la famille. Ah, il y aura des invités. Ça, ah, je peux te dire ça. Tu peux nous en dire plus? Oh, des invités, des gens avec qui j'ai collaboré. Des gens, peut-être que je n'ai pas collaboré, mais que les gens vont être surpris. Je ne peux pas trop dire plus. La Kem? Je ne peux pas dire. On est dessus depuis le début. Ouais, c'est vrai. Je ne peux rien dire. Mais voilà, on est en train de travailler dessus. Voilà. D'accord, pas de souci. Ok, bah j'ai hâte de voir ça alors. Julie, Jules. Ah, moi, Jules, c'est comme un petit frère. Donc, comme ça, tu iras lui dire. Mais je ne le connais pas dans la vie. Je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas. Ça se trouve, c'est un mec super cool. Ne t'en fais pas. Mais on a le droit de ne pas aimer. On a compris, Julie. Non. En tout cas, continue comme ça, Sopra. Les belles couleurs. Merci, y a pas de problème. Marion, restez avec nous dans un instant. On se fera le Diable s'habille en Prada. On a combien de temps encore? Oui, juste après. Voilà, avec le piment, oui, tout le monde. Oui, on va tous la bouche en feu là. Et avant, on aura un truc qui est une petite tradition dans cette émission. Qu'est-ce qu'on écoute? Martin Garrix. Allez, fais péter Martin Garrix. On aura un petit truc, une petite tradition. Truc, on peut pas se quitter sans ça. Je dis pas ce que c'est, mais on peut pas se quitter sans ça. Et on se fera le Diable s'habille en Prada dans la foulée. Soprano est notre invité. J'espère que tout va bien. Je m'appelle Koé. Vendredi soir, ça a été une belle putain de semaine ensemble. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you in? You're blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side. Would you call in the name of love? Of love. When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all we'll be right back. énergie. Vous irez le voir dans toute la tournée Soprano, la tournée qui va démarrer. Il va passer dans toutes les villes, c'est ça, vous pouvez pas le rater. Il y aura tout ce que vous connaissez de Soprano. Tu fais quoi? Tu fais 2 heures de show, moi. Ouais. Plus les anciennes chansons aussi. Hein. Hey, il y a Allez à la bien, il y a Hala Hala, il y a Hiro aussi. Il y a beaucoup de chansons, ouais. Hey, il y en a, tu blâmes pas. Des fois, il y en a, ils ont pas beaucoup de chansons. Ouais. Il y en a YouTube. Hein. Soprano, nouvel album, la sortie est prévue le 14 octobre. L'Everest. C'est ça. Ça va être bien, ça, non? Ah, je suis fier, ça va cartonner, mon poteau. Je te le dis encore merci, une fois. J'espère. Tout à l'heure, le diable s'habille plus en Prada. Mais je disais tradition. Alors, dis-moi ta tradition. On en est où? Ça y est, l'OM racheté. L'américain, il est comment? Il va faire des belles choses? Je sais pas. Ça a été racheté une mauresque, je crois. Je sais pas. En tout cas, déjà, il y a un changement, on va voir. J'espère que ça va être positif. Il a envie, il a envie de travailler le marketing. J'ai c'est vu, un américain, envie de relancer. Ouais, ouais, il a envie. Bien. Après, moi, j'ai vu son CV et j'ai peur. Mais. Pourquoi c'est pas tous ceux qui rachètent les clubs de foot, de toute façon, il y en a pour un clean, hein, globalement. Mais pourquoi son CV, c'est quoi? Oh, je sais pas. Il y a des blancs. On me dit qu'il y a des ardoises un peu aux États-Unis. Il pose pas de questions. Ouais, mais l'important pour moi, c'est que voilà, il a envie, il est motivé. Ah, c'est déjà ça. C'est déjà voilà, ça. C'est, nous, on est, après, paiera-t-il les joueurs à la fin du mois? Bon, c'est autre chose. Le PSG, c'est comment là? Ça redémarre bien? Bah, on a pris un petit revers là déjà là. Mais ça leur fait du bien un peu. C'est pas grave. C'est bien. Contre c'est qui bien. Non, mais moi, je suis pour de toute façon que tout le monde remonte et qu'il y ait une vraie bagarre, quoi. Donc l'année dernière, on s'est fait chier. C'est quoi. Ce que j'allais dire l'année dernière. On s'est fait chier. Eh bien, écoutez-moi bien. Dis-moi tout. Voici la règle de ce jeu. Dans le public, il y a quelqu'un du public qui a un logo OM. Ouais. Et quelqu'un du public qui a le logo PSG. Ouais. Vous allez devoir retrouver les logos respectifs. Et moi, je vais vous aider. Mais ils sont où les logos? Sont cachés. Ils sont cachés sur une personne. Et si vous vous rapprochez bien, je vous dirai t'es chaud. Je dirais son frère, je dirais t'es chaud ou t'es froid. D'accord? Okay. Ok, pour l'instant, il faudra aussi me dire où sont cachés les. Hein, je viens dire c'est chaud, mais vous ne m'avez pas dit qui les avait. Donc ça va être compliqué. Si Pietre trouve le logo du PSG en premier. Oh non, je ne suis pas d'accord déjà. Vas-y, dis-moi, Vas-y. Je vais le faire dans l'autre sens, tu vas aimer. Si tu trouves ton logo OM en premier, ouais. Pietre devra dire allez l'OM. Oh putain. Avant toutes ces phrases. Mais tu te doutes. Ah, pour commencer toutes les phrases. Ouais. Mais tu te doutes que si jamais c'est Piet qui trouve le logo PSG avant toi, tu devras dire cette phrase que tu dis chaque matin, Paris est magique. Ouais. Comme quoi, on est dans une espèce de compète personne ne lève la main pour j'essaie dire qu'il y a le logo. J'essaie de scruter les regards. Ça sert à rien. Ils ne t'aideront pas. Personne n'a le droit de dire c'est moi ou c'est pas moi. Alors attendez. T'imagines ça? Oh là là. Je regarde, hein. Il faut commencer toutes les phrases par ça. T'imagines, à chaque fois que je vais quelque part, il faut qu'on me fasse un truc comme ça, surtout à Paris. Alors, c'est chacun son tour et je dis Piet, t'es chaud. Non, vas-y, on y va en même temps. Ah bah, allez-y, et je guide, hein. Attends, Piet, attends. On dit 3, 2, 1, go. Vas-y, Sopra, il va falloir aller chercher. On y va, j'y vais. Ouais. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, Piet, t'es chaud. Sopra, t'es chaud. Je suis comment, moi? Piet, t'es chaud, Piet. Tu peux me montrer ton truc, là? T'as vu ça? Tu te refroidis. Mais non, comment il a fait? Et je l'ai senti, hein. Tu sais pourquoi je l'ai vu? Et comment il a fait? J'avais un sac tout bleu, là. T'as vu, montre ton sac. Je le sais, mais ça m'a aidé. Ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré. Ah ouais, d'accord. Ça m'a inspiré. C'est lunaire. En 2 secondes, quoi. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension. Regardez cette tête de Pietre. Regardez, Pietre, que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension, je vous écoute. Pourquoi t'es censé en avoir mis partout des Pardon logos PSG? Pardon? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Y avait-il tricherie? Ils sont où? Qui en avait? Tout le monde avait les logos PSG. Ça veut dire que j'ai même pas fait exprès, c'était au hasard, je suis tombé. Ah, elle avait la casquette quand même. Elle avait qu'un pour l'OM, j'en avais 20 du PSG. C'est lui qui a trouvé. Tu t'es fait avoir. Je te jure, personne ne m'a dit quelque chose. J'ai suivi mon instinct, j'ai vu un sac bleu et blanc. Pierre, est-ce que tu peux me refaire cette phrase que tu viens de dire en gueulant, mais en mettant la fameuse phrase avant? Tu te souviens que tu Allez, l'OM. Ah oui. Ah si, mais Pierre, t'es obligé. Qu'est-ce que tu disais, Pierre? Je disais. Allez, l'OM. Il y avait 20 logos du PSG, il n'y en avait qu'un de l'OM, il a fallu qu'il le trouve avant moi. Ah bon? On peut même plus tricher non, ici. On peut même plus, c'est une autre phrase. Qu'est-ce que tu disais? Allez, l'OM, on peut même plus tricher. Bon, Pietre, alors, on revient quand?

live. On fait les deux derniers auditeurs parce qu'on peut pas partir un week-end sans leur faire un bisou. Oui, t'imagines, ils sont là, ils attendent, ils ont même pas parlé à Soprano. Lauranne. Coucou. Vas-y, Lauranne, à toi. Coucou Soprano. Salut Lauranne. Alors moi, ma question, ce serait ton album, il sort en octobre, mais combien de temps tu as mis pour le faire? 4 mois. J'ai commencé en mars, en fait. Voilà, fin février, mars. Et j'ai fini avant de partir en vacances fin juillet. Voilà. D'accord. Voilà. Tu as fait un gros bisou, Lauranne. Tu vas faire quoi ce week-end? Je vais me reposer. Ah ouais, t'as une semaine difficile. Non, mais hier, je me suis fait opérer de mes dents et du coup, je me repose. T'as raison. Ils t'en ont enlevé, ils t'en ont rajouté. Ils m'en ont enlevé 4. D'accord. Ça sent l'appareil. Non, celle de devant, les deux, les quatre de devant. Parce qu'elle les dents de sagesse. Elle avait envie de manger des saucisses sans ouvrir la bouche. Elle s'est dit, ça sert à rien, ces dents-là. C'est cool. Je te fais un bisou, Lauranne. Bisous, ma chérie. Bisous, merci. Tu le truc. Allez, Ombéline, c'est joli. Oui, salut Koé, salut Soprano, ça va? Salut Ombéline, ça va? Oui, ça va très bien, et toi? Ouais, ça va, impeccable. À toi. Pose ta question. Alors, ma question, c'était avec quel artiste aimerais-tu collaborer? Stromae. Ok. Il est toujours en convalescence, lui. Enfin, il avait dit qu'il se mettait de côté. Non, ils l'ont un peu usé. Attends, il y a eu la tournée américaine, tournée en Europe, tournée machin. Ouais, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Il a eu une très très grosse tournée. C'était lourd pour lui, Et la pression médiatique aussi, parce que quand même, il y a personne qui a vendu 2 millions d'albums depuis. Waouh. Et Ombline, ça te brancherait qu'on finisse par Le Diable s'habillant plus en Prada? Ah ouais, trop. Et franchement, j'ai un petit message à passer à Soprano. J'ai franchement hâte que ta tournée commence et tu vas mettre le feu comme d'habitude, j'en doute pas. Ah, merci beaucoup, Abeline. Moi, je suis déçu, je serais avec Bercy, c'était à la fin du mois. Sans déconner, j'étais super chaud, j'étais prêt à y aller. Dans un an, mec. Eh non, c'est l'année prochaine. L'année prochaine. Allez, mets-toi en place, on va finir avec toi. On va tous partir en week-end sur le titre de Sopra. Mettez-vous en place, Pietre. On se dit quoi? Allez, l'OM. Non, on se dit qu'on revient quand? Allez, l'OM lundi, j'ai déjà dit. Eh oui, bon, allez, kiffe bien mon Pietre. Bon week-end, hein. Guéguette, bon week-end. Bah, bon week-end aussi. Allez, bon week-end, ma Julie. Oui, bon week-end. Bon week-end sur les toilettes. Il est où? Il y est déjà. Il est plus là. C'est là qu'il a son week-end avec son top modèle alors qu'il regarde des moments. Ah, c'est pas quand ça tombe mal. C'est le moment où il allait servir peut-être de son sexe et c'est le moment où il pourra rien faire. Voilà. Mal au ventre, mon pauvre petit bonhomme. Faites beaucoup de bruit pour Soprano. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille le plus généreux. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Oh, oh, oh. Le diable s'habille plus en Prada. Sur le globe, depuis qu'on lui a pris son job, non, le diable s'habille plus en Prada. Oh, oh, oh. Le diable s'habille plus en Prada. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses causes. Il n'a plus d'emprise sur le globe, depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leurs morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui,